Si on a besoin du micro, je vais mettre au fond. Vous nous entendez? Enfin, vous m'entendez? Il faut parler plus fort pour les micros. Ce serait plus confort que ouais. Ouais. Ce serait mieux. Ok. Alors, on va prendre les micros. Merci. Donc, je suis Enora Oulren, je suis responsable du service musique à la Bibliothèque publique d'information à Paris. Donc, je suis chargée d'animer cet atelier sur la médiation sociale. Est-ce qu'on peut commencer très rapidement par un petit tour de salle pour que vous vous présentiez brièvement et vous disiez d'où vous venez? Bon. Florence Dufaux, vous m'avez vu ce matin, je crois. Karine Boussard, responsable du secteur musique d'une petite ville qui est à 20 km au sud d'Est, à Bézère-les-Metz. Marie Dreser, bibliothèque GS. Marc Rosé, médiathèque musicale de Paris depuis peu de temps. Michael Briand, bibliothèque de Périgueux. Fabien Ratz, médiathèque de Rieux-la-Pape, banlieue lyonnaise. Marion Touzé, médiathèque de Chartres. Anne Salinas, médiathèque de Levallois-Perret. Benoît Noël, médiathèque de Fougères, en Bretagne. Marie-Cécile Vandelin, de la médiathèque départementale de Haute-Marne. Christophe Vidal, société coopérative Indélabre. Arthur Métis, Société Coopérative Indélabre aussi. Daniel Riwal, médiathèque musicale de Nanterre. Bastien Abodé, médiathèque de Bourg-les-Valences, Marie-Charles de Valence. Médaille Cousière, maison du livre des magies du son à Villarban. Qui souhaitait-il? Pierre Bedeau, département du son, BN. Arnaud Zotsky, Virginie Châtillon, Espace Images du son, discothèque. François Dibolt, discothécaire sur le réseau des médiathèques du Belmont-Bouille. Médiathèque d'Orléans, médiathèque de musique. André-Pierre Sirène, bibliothèque médiathèque de Metz. Très bien, merci beaucoup. Donc on va attaquer sur la médiation sociale. Alors à l'heure actuelle, on parle beaucoup dans les médias de fractures sociales, d'une inégalité territoriale, d'un manque de lien social, notamment après ce qui s'est passé en janvier, les attentats terroristes, etc. Il y a des choses qui reviennent beaucoup sur le devant de la scène, sur justement le souci de ne laisser aucune fraction de la population en dehors en fait du pacte républicain, de la communauté nationale. Dans ces débats, on parle beaucoup de l'école et finalement assez peu, voire pas du tout, des bibliothèques. Pourtant, les bibliothèques ont vraiment un rôle à jouer en matière de lien social. Elles sont fondamentales dans l'établissement du lien social. Elles sont souvent, dans beaucoup de communes ou de zones rurales, le seul équipement culturel qui soit ouvert à tous, sans formalité d'accès, sans conditions en fonction de l'âge du public ou en fonction de la nature des activités qu'ils recherchent, et aussi sans contribution commerciale ou monétaire à leur accès. Donc il est vraiment évident que les bibliothèques ont un rôle social très, très, très, très important à jouer, et qu'elles jouent un rôle culturel, social et même politique essentiel. comme elles ont aussi vocation à être au service d'une communauté ou d'un territoire particulier, elles rassemblent en leur sein les fractures et les tensions de notre société, hein, et elles ont à répondre à des besoins parfois antagonistes, et elles sont donc au cœur des difficultés soulevées par la revendication et la mise en œuvre de l'idéal de démocratisation culturelle. Donc le rôle social des bibliothèques, entendu comme implication dans la réduction des inégalités d'accès au savoir et à la culture, est au cœur des modèles de bibliothèques et aussi de la charte des bibliothèques, donc, qui dit que la bibliothèque est un service public nécessaire à l'exercice de la démocratie. Elle doit assurer l'égalité d'accès à la lecture et aux sources documentaires pour permettre l'indépendance intellectuelle de chaque individu et contribuer au progrès de la société. Or, assurer cette égalité d'accès n'est bien sûr possible qu'à travers un travail de médiation, hein, en particulier des publics qui sont éloignés de la culture, du livre et de la lecture. Donc cet idéal, ce modèle de la médiathèque qui est fondé sur l'impératif de démocratisation culturelle, qui était postulé par Malraux, hein, donc de rendre accessible au plus grand nombre les œuvres capitales de l'humanité et favoriser la création des œuvres de l'art et de l'esprit qui l'enrichissent, exige un élargissement et une diversification des publics. Or, on a vu que l'élargissement des publics qui a eu cours dans les années 80-90 ne s'est pas assorti d'une diversification d'un public, qui a été surtout le fait finalement des classes moyennes. Donc de nombreuses études ont permis de le montrer. Et donc c'est les racines de l'exclusion sociale et de l'exclusion culturelle est souvent sociale et économique, mais les bibliothèques peuvent aussi exclure en fait les publics. Hein. C'est pas parce qu'on ouvre des bibliothèques partout qu'elles vont elles s'ouvrir à tous à tous les publics. Voilà, en fait, le fait est que le public entre dans un lieu s'il y trouve des repères qui lui sont familiers. Donc les phénomènes de ségrégation sociale relèvent d'une logique cumulative, hein, qui impose une réponse globale, économique, sociale et culturelle. Et donc les bibliothèques doivent s'intégrer dans ces politiques, tant en matière d'activité périscolaire, d'accompagnement à la formation initiale, qu'en matière de formation continue et de politique d'insertion. Donc, pour essayer de définir un petit peu plus la médiation sociale, donc on va voir que c'est un concept qui est assez, assez complexe finalement. Hein. Donc Cécile Prévost ce matin nous a parlé à ce moment de la médiation culturelle. On voit qu'en fait, au cœur de la médiation culturelle, il y a à la fois un aspect politique et un aspect social, et évidemment un aspect culturel. Donc au travers du sens et de la place accordée à la médiation, c'est la position de la bibliothèque face aux inégalités d'accès à la culture qui est en jeu, hein, ainsi que sa place dans l'économie de la connaissance. Donc normalement, dans la société civile, hein, si on peut dire, la médiation sociale, le médiateur a pour rôle en fait, d'éviter un conflit entre un individu et une institution. Nous, on va parler de médiation sociale au sens plutôt culturel, hein, donc un sens plus restreint, mais on va voir qu'il y a quand même dans ce type de médiation culturelle un aspect de résolution d'un conflit entre une personne qui se sent à l'écart de la culture ou de forme artistique et que la médiation va pouvoir résoudre, au moins surmonter certains obstacles. Donc la médiation, hein, est de toute façon une notion qui se trouve à la croisée du culturel et du social. Donc pour la bibliothèque, la médiation culturelle a vraiment un double objectif. D'abord un objectif donc culturel qui serait de favoriser la découverte, de faire découvrir des aspects nouveaux d'une forme artistique ou culturelle. Et elle a aussi un objectif politique, qui est d'offrir un espace public de débat démocratique, de créer du lien social et de participer à la création d'une identité commune, au-delà des différences. Donc on va prendre la notion de médiation sociale vraiment sur ce sens de création de lien social. On va aussi s'attarder, je pense, assez longuement sur les publics de la médiation sociale. Hein. Donc de prime abord, on pense d'abord au public qu'on appelle dans nos milieux bibliothèques du champ social, donc les publics défavorisés socialement, culturellement, parfois en perte de repères, qui peuvent avoir des difficultés d'ordre psychologique, économique, social. On va aussi, bien sûr, s'intéresser au public dit éloigné ou empêché des bibliothèques. Mais au sens plus large, la médiation sociale peut s'appliquer à tout type de public en prenant comme vecteur commun la création du lien social qui va permettre la cohabitation, la diversification des publics. Donc c'est une médiation culturelle qui est vraiment le rôle à la fois politique et culturel de la bibliothèque. Donc la médiation... Il y a pas un peu de... Donc la médiation culturelle vise à faire découvrir du nouveau et faire découvrir du nouveau, c'est aussi lutter contre les barrières qui empêchent la découverte et donc faire venir des populations éloignées de la culture du livre à la bibliothèque. Donc, plus précisément sur la médiation culturelle musicale, donc on en a déjà parlé un petit peu ce matin, c'est une forme de médiation qui est souvent assez peu visible dans les bibliothèques. Force est de constater que les bibliothèques s'attachent au terrain de la médiation sociale, surtout sur des logiques d'insertion professionnelle, de formation continue, voire d'alphabétisation, de découverte de la lecture. Et finalement, le domaine artistique est assez peu exploré, ou en tout cas formalisé et mutualisé au sein des bibliothèques. Donc on va voir aussi de quelle manière on peut essayer de partager certaines expériences et favoriser en fait ce type de médiation merci beaucoup. Donc au-delà des politiques d'aide à l'insertion, miser sur le fait que la pratique artistique, la découverte de formes artistiques aide aussi à l'épanouissement du citoyen. Voilà, merci beaucoup. Nous avons avec nous Annabelle Giudice, qui vient de Bibliothèque sans frontières, qui est responsable des IDisBoc France, qui va nous présenter ce projet. Donc à ma droite, Bruno Mogil, directeur de l'association Musique Tangente, établie à Malakoff, et qui donc propose une école de musique en fait à Malakoff et enfin associative. Et qui propose aussi donc des formations musicales, des aides à la création musicale, à tout type de public, y compris en milieu défavorisé. Donc l'idée, c'est en fait de montrer que les bibliothèques, sur le terrain de la médiation sociale et de la médiation artistique, ne peuvent pas agir seules. Et que donc on doit aussi s'inspirer des pratiques de partenaires extérieurs, du milieu associatif, voire du milieu social, enfin des centres sociaux, pour nous aider à concevoir en fait nos axes de médiation et pour travailler en convergence avec différentes structures. Donc je laisse d'abord la parole à Annabelle, ensuite à Bruno, et ensuite on échangera avec vous sur sur différents axes, sur différentes pistes de médiation. Bonjour. Je commencerai en reprenant le titre de cet atelier cet après-midi. En ce qui me concerne, je vais garder la partie droit et médiation sociale, puisque pour le moment, les IDisBoc que je vais vous expliquer tout de suite ne contiennent pas de partie musicale, mais ça ne saurait tarder. L'IDisBoc est une médiathèque en kit qui a été montée, qui a été imaginée en Haïti d'abord, puisque Bibliothèque sans frontières, qui a été créée en 2007 à l'initiative de Patrick Veil, était fort présente dans des pays comme Haïti et dans d'autres pays qu'on appelle en voie de développement, et œuvrer à ce moment-là sur le soutien et le renforcement des bibliothèques locales, donc notamment sur la formation des bibliothécaires, sur la réception de livres, le développement de compétences en termes de catalogage, etc. Et le tremblement de terre a évidemment mis à bas tout à fait littéralement tout ce travail-là. Et Bibliothèques sans frontières a réagi très rapidement en créant des bibliothèques dans les camps, donc ce qui s'est formé être comme des camps de réfugiés. Il s'est trouvé un phénomène, parce que c'est de l'ordre du phénomène social, assez intéressant, c'est que la population, donc dans l'état de trauma que vous pouvez imaginer, s'est approprié ces espaces comme des espaces de vie commune, justement, parce que c'était les seuls espaces en sécurité, les seuls espaces reconnus par une population et par la diversité d'une population, justement, dans tout ce qu'elle composait. C'était le seul espace où les enfants pouvaient jouer sans que ça soit un problème et sans qu'on s'inquiète de leur santé, les problèmes d'accès à l'eau, etc. Enfin, du coup, ils étaient identifiés à un endroit et ça permettait aux parents d'être soulagés. Ça permettait à des associations de femmes de se réunir pour organiser des comités de discussion sur les problèmes liés au genre qui avaient lieu dans les camps. Voilà, ce genre d'initiative. Et puis, au fur et à mesure de la constatation de ce phénomène et de même l'ampleur que ça prenait, Bibliothèques sans frontières s'est dit bon, très bien, et amener des livres dans des situations humanitaires d'urgence, c'est une vraie catastrophe. Ça pèse beaucoup trop lourd, on n'a jamais assez de structures, c'est trop artisanal, entre guillemets, ce que nous faisons là. Et donc, le concept de l'Ivy's Box, de cette médiathèque en kit, est né de cette idée-là de répondre à des situation humanitaire d'urgence. Ça, c'est pour poser la question du droit, dans le sens où, en créant l'Ivy's Box, l'idée était de soutenir et de promouvoir, évidemment, le droit à l'éducation, le droit des enfants, le droit des femmes, le droit aux loisirs également, le droit à l'accès à la culture, dans des situations où on est dans des zones quasi de non-droit, du fait des exceptions et des destructions, qui sont des destructions parfois naturelles et parfois humaines, quand on parle de guerre. Par exemple. Donc ça, c'est pour la partie droit un peu. La Ivy's Box est vraiment construite sur l'idée que la culture est un droit inaliénable à tout être humain. Très bien, mais que se passe-t-il quand il n'y a pas les structures culturelles, quand il n'y a pas le personnel formé, ou qu'en tout cas, ce personnel ou ces structures ne bénéficient plus de la sécurité que peut offrir un climat de paix et des institutions publiques qui sont là également pour s'assurer du lien permanent entre la population et quelle que soit la structure d'ailleurs, quand elle est existante. Et puis en fait, je rejoins exactement ce que vient de dire Enora, on s'est rendu compte au fur et à mesure que ce dispositif était tout à fait applicable dans notre propre pays, où les inégalités sont toujours frappantes et où les bibliothèques parfois victimes, ou les médiathèques parfois victimes de leur succès, sont devenues des institutions dont on n'ose pas franchir les portes, alors que ce n'était pas du tout évidemment l'objectif et leur mission première. Et que les bibliothécaires parfois étaient démunis face à justement des tensions sociales très fortes et les pressions qui pouvaient être exercées sur la mise en œuvre de l'accès face à un territoire extrêmement varié, extrêmement diversifié et auquel il faut sans arrêt devoir s'adapter. Mais voilà, s'adapter, ça ne fonctionne qu'avec des gens qui connaissent un peu ce à quoi on doit s'adapter. L'Ivy's Box a donc commencé un projet assez ambitieux en France, dans l'idée premier de remettre au centre du lien social et du tissu social les bibliothèques, qui sont à notre sens des pôles de ressources à la fois tout à fait pragmatiques, de livres, de connaissances, de savoirs, mais également des pôles de ressources en mode espace de vie commune, espace de rencontre, qui sont absolument essentiels à un fonctionnement social démocratique. Ça, c'était le premier objectif de déploiement des Ivy's Box en France. Et le deuxième était de répondre à cette urgence exprimée par les bibliothécaires notamment, mais également par le tissu des réseaux socioculturels qui travaillent étroitement avec les bibliothèques, de créer des nouveaux usages, les médiathèques, et que ces nouveaux usages soient faits réciproquement, c'est-à-dire qu'à la fois ce soit des nouveaux usages créés à partir des demandes, des besoins et des pratiques des publics, mais aussi créés à partir des demandes, des besoins et des connaissances et des compétences des bibliothécaires qui sont nombreuses et qui sont souvent peu valorisées ou pas assez valorisées. Et donc l'objectif, c'était aussi de permettre cette rencontre un peu plus qu'elle n'existe parfois. Donc concrètement, on a mis en œuvre plusieurs liens de partenariat avec des collectivités publiques, au sens où, et encore une fois, je rejoins ce que Enora vient de dire, il est évident que si on veut s'inscrire dans une pérennité d'action et non pas seulement dans quelque chose de ponctuel, il est nécessaire de s'associer à l'ensemble des acteurs qui décident, dirigent ou proposent à un territoire des développements en termes d'accès à la culture, au loisir, au plaisir, à la connaissance. Et la Lisbox vient, je pense, réellement dans le rôle de passerelle et de passeur qui était évoqué ce matin. Donc à la différence de mon collègue, nous, on est Bibliothèques sans frontières, se situe pas vraiment dans l'associatif, pas vraiment dans les bibliothèques, mais dans un espèce d'entre-deux. Et donc on est en train de développer, notamment en Île-de-France, donc dans trois pôles d'Île-de-France, des activités de ce genre-là, c'est-à-dire s'appuyer sur le développement et les politiques d'une médiathèque, s'appuyer sur le développement de politiques publiques et s'appuyer sur un réseau et un tissu social qui existe et qui est présent et qui est souvent le plus fin connaisseur des publics auxquels on souhaite s'adresser et essayer de faire en sorte que de créer une synergie à partir de ces différents acteurs-là qui permettent aux bibliothèques de renforcer, valoriser, apprendre, enfin toutes les étapes, on va dire, de cette synergie-là pour renforcer leur rôle et en même temps peut-être développer également des nouveaux outils. Donc concrètement, l'Ibisbox, ce sont des fly cases, donc ça va parler à mon collègue, des fly cases toutes simples, designées par Stark, alors ça, du coup ça impose et c'est un peu moins simple, mais à la base le principe est quand même assez basique. Quatre fly cases qui contiennent une bibliothèque physique avec des livres, à peu près 250 titres sont rangeables dans cette fly case. Un deuxième module qui lui correspond davantage à la demande numérique, donc avec des tablettes sur lesquelles sont téléchargées des applications qui ont également été développées par Bibliothèques sans frontières, notamment sur l'apprentissage, on va dire un peu alternatif avec la CAD Academy. Donc un apprentissage qui se fait de manière différente que ce qu'on fait dans l'éducation nationale et qui vient compléter très souvent ce qui peut se faire, ce que les élèves peuvent apprendre à l'école, avec des outils assez innovants en termes technologiques, comme les voyageurs du code, qui sont en fait un programme d'apprentissage au code informatique. Donc ça paraît un peu barbare parfois, mais en fait c'est surtout l'occasion de parler de l'informatique avec ses bénéficiaires et de savoir un peu ce que ça veut dire et d'utiliser Internet ou Facebook ou smartphone. Beaucoup de gens le font sans du tout savoir ce qu'il y a derrière. Donc ce sont des programmes qui participent également à renforcer l'idée qu'il est nécessaire de créer des nouveaux usages des médiathèques réellement dans son ensemble. Sur les deux autres modules, j'y passerai vite fait, il y en a un autre avec des films et éventuellement de la musique, puisqu'il y a des enceintes et il est tout à fait possible de diffuser l'un et l'autre. Et puis un module administratif où un serveur est intégré sur lequel vous pouvez télécharger et mettre un nombre de données assez incroyable. Et puis des liseuses qui viennent compléter évidemment la bibliothèque physique. L'idée, évidemment, ce sont des outils que vous connaissez bien mieux que moi. Ce sont des outils qui sont déjà accessibles dans les bibliothèques, très souvent en accès libre. Donc l'objectif de cette Lisbox n'est pas du tout d'en faire concurrence, mais de pouvoir, par sa mobilité et par l'espace qu'elle crée, parce que c'est un espace ouvert, les flycases font à peu près cette taille, donc vous voyez à peu près le même cube mais un peu plus haut. Donc une fois que c'est déployé, ça occupe un espace de 80 mètres carrés, à peu près ce que vous êtes là, et qui est un espace qui est sans mur. C'est souvent le problème que vous rencontrez, je pense, dans vos différentes pratiques, soit de gens qui rentrent dans le mur un peu par... J'ai entendu des conversations à midi qui rentrent dans la structure parce qu'on veut un peu casser les murs, ou bien à l'inverse, des gens qui n'osent pas franchir les portes de la médiathèque parce que justement il y a des murs autour. Et l'Ibisbox veut une passerelle entre les médiathèques et l'extérieur de manière générale, et l'extérieur compris comme à la fois l'œuvre de politique publique, mais également l'œuvre de toutes les pratiques informelles qui sont parfois très difficiles à identifier, mais qui sont assez essentielles pour répondre justement aux besoins et à ce besoin de lien. Et pour créer ce lien, il faut savoir à qui on s'adresse. Et quand on parle de population éloignée de la culture de manière générale, c'est vrai qu'éloigné, c'est pas non plus un terme que j'aime beaucoup, mais voilà, il faut bien donner un nom. Il est très important de savoir quelles sont les attentes, les besoins, les demandes, et il y a un écart qui s'est creusé qui nous semble à notre sens aujourd'hui indispensable de rattraper. pour que ce lien social continue à perdurer et que les médiathèques en soient un peu un pôle central du fait des ressources dont elles regorgent. Voilà, je peux vous en parler plus et de façon peut-être plus concrète, mais ça viendra peut-être également avec les questions. On a des programmes qui sont en cours en France, qui sont assez expérimentaux, puisque c'est la première année qu'on se déploie en France. On capitalise des expériences qu'on a eues dans des camps de réfugiés qui montrent vraiment un succès, une appropriation du bien commun assez incroyable, donc on est assez positif. Mais voilà, on est dans la phase d'expérimentation, je vous en parlerai davantage avec éventuellement vos questions, mais je vais passer tout de suite la parole à mon collègue. Je précise juste qu'à l'issue de l'atelier, si vous le souhaitez, Annabelle pourra vous montrer des images ou des vidéos des Analysis Box sur son ordinateur pour que vous voyez un petit peu plus concrètement ce que ça représente. Donc Bruno, donc du milieu associatif, donc Musique Tangente, c'est une structure qui s'est créée il y a 37 ans, sortie un peu de nulle part, à une époque où il y avait un désert sans nom en France, il n'y avait pas de structure musique actuelle pour accueillir les musiciens, il n'y avait pas de locaux de répétition, il n'y avait pas de structure pour accompagner les projets, il n'y avait pas de structure pour apprendre. Hormis les conservatoires, hein, évidemment, mais les conservatoires à l'époque n'avaient pas de classe de jazz, n'avaient pas de classe de musique actuelle, ça c'est tout récent. Musique Tangente est arrivée d'un projet de quelques musiciens qui se sont dit il faut qu'on commence à créer un lieu pour qu'on ait des outils pour travailler, pour pouvoir transmettre. La transmission le sujet principal de l'association, parce que la transmission, évidemment la création est toujours importante, mais la transmission c'est fondamental si on veut que ça puisse nous survivre. Musique Tangente est une école de musique avec tout ce qu'il peut y avoir comme classe d'instruments. C'est tout un tas d'ateliers musicaux divers et variés. Ça va du ragtime jusqu'aux musiques électroniques, donc sans parti pris esthétique. Hein, donc le champ est très large. Musique Tangente est une culture depuis tout départ de partenariat. Donc c'est comme le disait Elora tout à l'heure, les partenariats sont plus aujourd'hui encore qu'hier. Vont être fondamentaux. Et donc, on intervient aussi, on a tout un tas d'interventions hors les murs, que ce soit en milieu fermé, type maison d'arrêt, que ce soit en IME sur les gens qui ont des problèmes mentaux divers et variés aussi, que ce soit dans des lieux plus traditionnels du type école maternelle, école primaire, collège, lycée. Et bien évidemment aussi les médiathèques où on propose des conférences musicales depuis déjà pas mal de temps. C'est des activités annexes qu'on développe pas, mais où on nous appelle et quand on nous appelle, ben on intervient. Donc voilà. Donc sur ces conférences musicales, puisque c'est peut-être la partie qui peut le plus vous intéresser, ça peut être des cycles sur plusieurs mois ou plusieurs années autour d'un musicien, autour d'un style de musique, autour d'un instrument, les thématiques sont extrêmement diverses et variées. Et l'idée, c'est non seulement de faire connaître le fond de la médiathèque à un public, mais aussi d'ouvrir aussi les connaissances musicales des publics, parce qu'on s'aperçoit que souvent les gens sont pointus sur un domaine mais connaissent pas ce qu'il y a à côté. Donc à travers ces conférences musicales, nous qu'on appelle Culture Zik, ça permet tout un tas de découvertes donc ça permet d'ouvrir. Donc ça c'est important. d'apporter une connaissance. Souvent, ce qu'on peut noter, c'est que soit on a des jeunes enfants, soit on a des adultes, rarement les adolescents, pourtant c'est eux qu'on a le plus besoin. Bon, ça c'est donc il faut un peu aller à la pêche au public. Ça c'est important. Donc nous de notre côté c'est pas faute de le faire hein, parce que comme je vous le disais on intervient un peu partout. Là prochainement on va intervenir à la fac de Créteil sur un atelier musical. On va intervenir à la maison d'arrêt de Nanterre sur un atelier d'informatique musicale. Dernièrement on est intervenu à la BPI aussi sur un atelier d'informatique musicale. Ça permet aussi de passer sur les ateliers. Ça permet de passer à la partie pratique. Parce que la musique, il y a des audiophiles qui les écoutent, mais il y a aussi ceux qui aimeraient bien en faire et qui ne savent pas comment aborder. Donc c'est toujours un peu la même histoire, c'est de franchir les portes. De franchir les portes des institutions pour tout un tas de publics, c'est compliqué. À travers le milieu associatif, ça l'est un petit peu moins, mais ça l'est aussi. Donc il faut aussi des fois, souvent, aller à la pêche au public, dans les cités, à travers les MJC, à travers les maisons de quartier, et essayer de faire découvrir les différents outils comme les bibliothèques ou les associations culturelles qui existent dans la ville pour que les publics sortent un petit peu de leur quartier. Donc voilà, en deux mots. Merci. Avant d'aller un petit peu plus loin dans les échanges, est-ce que vous avez des questions à poser à Bruno ou à Annabelle sur ce qu'ils viennent de dire précisément ? Alors on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet en se posant différents. Enfin j'ai déterminé plusieurs axes un peu de réflexion que vous pourrez enrichir bien sûr. Hein. D'abord sur les typologies de la médiation sociale, en prenant en compte bien sûr les publics visés, la médiation dans les murs, hors les murs, tout ce qui concerne justement les publics empêchés. On pourra parler également bien sûr d'un type de médiation particulier qui est la médiation participative dont on a parlé un petit peu ce matin à la toute fin des débats avec nos collègues européens. On pourra parler également des compétences dont on a besoin justement pour ce type de médiation, pour la médiation sociale et bien sûr en corollaire des partenariats hein, qui sont nécessaires d'identifier pour la mener à bien. Et enfin, on pourra aussi aborder les cadres réglementaires, administratifs qui nous aident ou pas à organiser ce type d'action. Donc tout d'abord, on peut commencer peut-être par faire une espèce de typologie de ce que c'est que la médiation sociale, quels sont les types de médiation qui peut fonctionner envers les publics dits éloignés ou empêchés. Alors d'abord, pour être tout à fait clair, je pense que quand on parle de public éloigné ou empêché, disons éloigné pour la musique, on n'est pas tout à fait sur le même pied que quand on parle de public éloigné de la lecture. Je pense qu'il y a quand même assez peu de publics qui soient complètement coupés de la musique, qui n'écoutent jamais de musique, que ce soit sur Internet, à la télé, à la radio. Je pense que le degré en fait d'intervention n'est pas le même que pour le livre quand on parle de médiation musicale. Pour autant, il y a bien sûr comme le disait Bruno, beaucoup de travail à faire en ce qui concerne la diversité musicale, d'actions à mener pour élargir le champ des connaissances en musique, le champ des intérêts aussi du public, puisque c'est un domaine qui est quand même beaucoup marqué aussi par le marketing et la société de consommation. Donc pour essayer de faire une petite typologie un petit peu des médiations culturelles en matière musicale, on peut déjà partir de ce qui est médiation dans les murs, donc dans la bibliothèque. Quel type de médiation on peut proposer en fait pour ouvrir un petit peu le champ des connaissances du public en domaine musical. Donc on a parlé d'ateliers, on parle beaucoup de pratiques musicales, de conférences musicales. Est-ce que vous avez, vous, dans vos établissements, des exemples concrets de médiation, d'offres de médiation proposées dans ce modèle-là? En fait, quand il y a des, on n'est pas dans le bon truc, c'est ça. Dans le cas des TAP, des temps d'apprentissage préscolaire, moi, je fais découvrir aux collégiens, tout style de musique. J'essaie d'écouter de la musique avec eux sur ce temps-là, qui est très court. Ce que je leur demande, c'est pas. Donc j'essaie de faire une playlist avec eux, mais je leur demande de pas me sortir tout ce que les copains connaissent. Mmh. C'est-à-dire d'essayer d'être original et de faire découvrir à leurs copains, leurs camarades, autre chose. Donc je leur demande par rapport à ce que vous écoutez chez vous, je leur dis pas ce que vous écoutez, mais ce que vos parents écoutent, peut-être qu'il y a des choses culturelles, hein, que vos copains ne connaissent pas, et ça va être intéressant. Donc je suis tombé sur un. J'étais en train de faire ce petit atelier-là, puis on est au milieu des bacs de CD, des rangements de CD. Et puis il y a un enfant qui tourne la tête à gauche, à droite. Et puis quand on tourne la tête à gauche, on était donc le long de la chanson francophone, et qui dit Brassens. Parce qu'il y avait Brassens en face de lui, quoi. Mmh. C'était le bazar. Je suis dit, bah tiens. Alors, j'étais en train de faire de la. Parce qu'en fait, j'utilise la vidéoprojection et un site d'écoute de streaming numérique. Donc j'utilise pas les CD. Donc on a été chercher, en fait, je voulais leur découvrir aussi ce site, pour qu'ils puissent eux-mêmes découvrir d'autres choses. Donc on a été sur Brassens, et puis là, il y avait une liste de titres. Alors moi, je regarde un petit peu, je suis bon, Garogori, c'est pas mal. Sur les bancs publics, machin. J'aurais fait écouter une ou deux chansons, même pas en entier, mais bon, voilà. Et puis bon, ils ont tous bloqué sur Putain de toi. Alors pourquoi, je sais pas. Non, juste le mot, je pense, le bon mot. Je leur ai dit, ouais, bon, enfin, il y avait Pornobar juste au-dessus. Mais ils étaient trop jeunes. Et puis, c'était super intéressant parce que la mélodie les a interpellés et ils ont fredonné et il s'est passé un truc, quoi. Et voilà, donc, tout ça pour dire, je leur ai fait écouter du Brassens et c'était. Ça fonctionne de leur faire. Parce que c'est vachement intéressant comme idée, je veux dire, de ramener une chanson que vous pensez que les autres ne vont pas connaître. Mais concrètement, est-ce que ça a fonctionné? Parce que je me dis aussi qu'à cet âge-là, c'est se mettre vachement à nu d'aller chercher un truc justement sur lequel on va être jugé instantanément. Genre, ah, il écoute ça, ça ah, monte et tout. Donc je me demandais, est-ce que concrètement ils l'ont fait, est-ce que ça a marché? Le problème, c'est les moyens que j'ai pour. En fait, je reçois les enfants le temps qu'ils viennent à pied, qu'ils repartent à pied. J'ai trois quarts d'heure top chrono. Voilà. Le temps que je leur explique comment on allait sur le logiciel, enfin sur le site de streaming à quoi ça servait, je leur présente le site de la médiathèque, il reste un quart d'heure. Le temps de faire un petit peu de médiation pour pas qu'ils soient trop éparpillés. Donc c'est très très rapide et puis j'ai même pas de. Enfin c'est sur un coup comme ça quoi. Il n'y avait pas de rendez-vous régulier avec les mêmes groupes. Donc sur le long terme, enfin, c'est pas bon quoi. Enfin, y a pas... Ça c'est quelque chose qui est important aussi, c'est la temporalité en fait de ce type de médiation. C'est qu'effectivement sur un one shot, sur un coup comme ça, c'est sans doute pas suffisant et c'est vraiment important de pérenniser ce type de médiation dans le temps en fait, pour que les publics puissent avoir le réflexe en fait de venir à la bibliothèque pour chercher des choses qu'ils ne connaissent pas. Enfin, du coup, c'est vraiment une opération qui est super intéressante pour faire ouvrir un petit peu le champ des possibles. Mais je pense que c'est vraiment intéressant que ça reconduise. En fait, c'était un partenariat avec l'école. C'est pendant les nouveaux rythmes scolaires, en fait. Ouais. Mais du coup, il n'y a pas de suivi, c'est l'école qui décide quand. C'est déjà la hiérarchie qui organise leur truc avec la coordinatrice des temps d'apprentissage classe scolaire. Moi, je suis en bout de chaîne. C'est une question d'organisation qui n'est pas. Ouais. Qui a mettre en place, hein, c'était nouveau. Voilà. Mais bon, ce qu'on voit tout de suite, c'est que s'il y a un contact un peu intéressant avec les enfants, ils vont venir avec soit tout seul, soit avec les parents. Soit, et puis, ils sont revenus. Ah bonjour, ah, bonjour. Je ne m'en fais plus de les avoir vus, mais ils sont peut-être. Donc, bon, il y a un lien qui se crée. Ouais, ouais, il y a un lien qui se crée. Je voulais juste revenir. Du coup, ça fait bizarre quand je prends le micro maintenant. Je voulais juste revenir à ce que tu disais au départ, que la médiation par rapport au livre n'était pas exactement les mêmes, ça n'avait pas les mêmes problématiques et les mêmes enjeux que la médiation par rapport à la musique. Cela dit, l'un et l'autre sont liés bien sûr, et l'un entraîne l'autre. Je vous donnerai l'exemple de l'Ivy's Box dans un des camps de réfugiés au Burundi, où un des animateurs, donc des animateurs locaux ont été formés des réfugiés qui ont simplement souhaité s'investir un peu plus dans la gestion et l'animation de l'Ivy's Box. Et il se trouve qu'un des réfugiés était slameur et qu'il n'arrivait pas à sortir du trauma qu'il venait de vivre. Vous pouvez perdre tout du jour au lendemain. Et qui disait, moi j'écris, je suis slameur, mais comment je le fais partager? Je n'arrive pas à comprendre comment, quoi, un peu dans une situation bloquée. Et c'est par l'utilisation de supports, des différents supports qui étaient présents, et par surtout l'animation d'ateliers d'écriture qu'il a animé au fur et à mesure, qu'il a lancé ensuite des ateliers de slam qui ont été produits, qui ont été enregistrés dans cet espace créé. Comme quoi la musique, pour en revenir à ce qui a été dit ce matin, est également un vecteur de médiation sociale très très fort. Et je pense que c'est un des atouts, et c'est une des forces en tout cas que peuvent avoir les médiathèques dans tout ce qu'elles comprennent comme médias et comme dispositifs d'accompagnement à la découverte, au plaisir, au loisir, à la connaissance. C'est, la musique peut vraiment permettre de faire le lien là où parfois la lecture qui demande de savoir lire, qui demande d'apprendre, voilà, pose peut-être effectivement des questions différentes. Mmh. Oui, puis dans le même ordre d'idée, la musique aussi peut être un mode d'expression collective qui crée du coup un lien social, un rapport à l'autre et à la création qui est complètement différente que qu'avec le livre. Qui est une pratique plutôt de consommation ou de création solitaire. Justement, pour faire un retour un peu de ce qu'on a évoqué là, on parlait tout à l'heure d'élargissement des genres musicaux. On a travaillé, enfin, c'est des collègues qui ont travaillé sur un approfondissement d'un genre musical qu'on imaginait assez largement répandu dans les classes de collège, le hip-hop, pour lesquels on s'est aperçu que pour les quelques ados qu'on arrivait à capter, demandait à peu près toujours la même chose, à peu près toujours les mêmes artistes mainstream. On avait quelqu'un qui était relativement pointu sur ce point-là dans l'équipe et qui a mis en place un passeport musical sur le hip-hop. L'idée étant sur plusieurs séances, alors là, on est dans les murs et en relire parce qu'on a été parfois dans les classes également, de présenter le hip-hop depuis sa création, depuis des origines, jusqu'à aujourd'hui, et les différents courants, même très larges, comme soit français, étranger, mémorialement, enfin, plein de choses. Et tout ça a été tissé avec un partenariat avec une artiste de la scène locale, qui pour la petite anecdote avait fait un stage d'été chez nous à la médiathèque musicale, et qu'on a redécouvert 3 ans plus tard comme étant une slameuse justement. Qui n'était pas beaucoup plus vieille en plus, du coup, qu'on était sur une classe de. Alors peut-être que c'était peut-être plutôt au lycée, des gens qui avaient 15, 16 ans, elle en avait 18, 19, donc du coup il y avait un rapport qui était assez proche. Dans les dernières séances, elle a fait slammer en fait l'ensemble de la classe et des intervenants en lançant un peu le beatbox, et chacun revenait en essayant de coller au flow général. Qui a mis un petit peu de temps à démarrer et qui ne s'arrêtait plus après. Là, il a fallu arrêter la séance parce que du coup, c'est une chouette expérience en fait du retour. Et du coup, il y a d'autres passeports du même genre qui se mettent en place. Et vous gardez des traces enregistrées de ce type là-dessus? Alors pour l'enregistrement, je ne suis pas certain, parce qu'il y a quand même un mouvement. Soit il s'agissait, on aurait fait en UV, quoi, simplement, parce que quand il a été question de leur demande, c'est-à-dire que quand on est sur un, encore une fois, un jeu de mais face à des ados, quand on est sur un groupe, un collectif, c'est facile. Tout le monde prend la parole, s'interrompt. Après, quand il s'agit de parler de manière individuelle, c'est plus compliqué. Mmh. Donc si on les avait prévenus qu'on les enregistrait, probablement qu'on n'aurait eu aucun... personne n'aurait osé y aller, en fait. Donc du coup, on a laissé la voie libre, mais je ne suis pas certain qu'il y ait, malheureusement, qu'il y ait des enregistrements. On n'a que les retours des collègues qui étaient là à ce moment-là. Mais plutôt par la suite, effectivement, qu'on pourra enregistrer ça, partager. Excusez-moi. Les passeports qui ont été faits par la suite, les mêmes ados sont revenus? Non, parce que l'idée, c'est... C'est pas les mêmes publics? Non, mais c'est toujours à peu près la même classe d'âge. Le Nanterre est conservatoire. D'accord. C'est une préfecture de... Donc du coup, on a un territoire assez étendu, et l'idée, c'est d'arriver à toucher un maximum de classes. D'accord. On touche plutôt... Après, on est surtout... On reste... Là, les 2-3 passeports qui sont faits, on est plutôt autour des musiques noires américaines. Donc, elles sont, par un souci de facilité, parce que c'est un peu... un peu mieux que les autres, et parce que d'emblée c'est un tout petit peu plus facile à vendre nos classes, notamment parce que du coup je peux arriver à convaincre aussi les professeurs de tenir 3-4 séances, et pas parce que notamment il y a un passeport qui est tombé à l'eau parce que les 2 premières séances ont bien marché et ils ont abandonné au bout d'un moment. Quoi. Mmh. Du coup là il y a un vrai sentiment d'échec pour les gens qui se sont investis, pour l'artiste avec lequel on travaille. Mmh. Donc c'est vrai que pour l'instant on joue un peu la facilité en restant sur des genres noirs américains. Vous allez aller comme ça. Il y a les deux. L'idée étant de faire niche au niveau des collections, avec des centres de dépôt, mais aussi de se déplacer dans les lieux parce que il y a des impératifs du temps déjà qui font que il y a des assemblées tout à l'heure de déplacement. Et finalement, on a mis trois carrières de déplacement dans les retours pour les professeurs dans notre programme. Ça peut être une barrière en tout cas, puisqu'ils peuvent refuser à cause du temps de transport. Et puis c'est aussi nous de nous déplacer de part et de sortir un peu de la zone de confort du travail quoi, pour faire ça. Est-ce qu'il y a d'autres expériences de ce type? Je peux partager une expérience qu'on a fait en commun avec mon collègue bibliothécaire. En fait, il travaillait avec une classe de 3e, avec la prof d'histoire sur la Seconde Guerre mondiale. Il leur a projeté des films. Il y avait La Vague et La Vie est belle. Et en fait, comme ils étaient dans le cadre du bac et qu'ils devaient réaliser un court-métrage, ils étaient en option vidéo, on a fait avec mon collègue un accueil sur la bande originale de la musique du film La Vie est belle et comment le compositeur faisait impacter sa musique sur la dramaturgie, enfin, le rôle vraiment de la musique et comment ça pouvait changer une scène. Et ça a eu de très bons retours par rapport à ça. Il y a un élève qui est revenu à la médiathèque pour me demander mes notes. Je crois que ça les a vraiment aidés à travailler sur leur court-métrage. Ils ont pris conscience de ça. Il y avait quelque chose. Ils ne pensaient pas du tout en fait à la musique dans le film et du rôle que ça pouvait jouer. Et ils ont beaucoup pensé à ça quand ils ont conçu leur court-métrage, mais peut-être que ça aurait été intéressant d'amener ce partenariat même carrément sur le terrain du court-métrage et de travailler avec eux là-dessus, mais on ne l'a pas fait. Mais quoi qu'il en soit, c'était une bonne expérience. Donc on voit que visiblement il y a des passerelles qui se montent avec l'éducation nationale, avec les publics jeunes. Qu'en est-il en fait des publics adultes finalement? Est-ce qu'il y a des opérations qui se montent un petit peu pour aussi ouvrir différents genres musicaux pour les publics adultes en difficulté, ou c'est toujours plus compliqué de s'adresser à eux? Alors moi j'ai une expérience, enfin, ça rejoint un peu ce qu'on dit aussi, parce que en fait c'est peut-être pas tout de dire, mais je pense que la médiation, en fait, c'est ce que vous dites dans vos différents retours d'expérience, j'ai un peu l'impression que pour que la médiation réussisse, parce que je pense qu'il faut être inventif, en fait. À mon avis, c'est un truc assez important d'avoir tout dans nos têtes. Enfin, je pense qu'on est tous plus ou moins, mais pour que ça réussisse par rapport à ce que vous avez imaginé les uns les autres. Je pense que c'est un truc qui fait... Parce que c'est vrai que j'y réfléchissais au terme de conflit, en fait, que ça part d'un conflit. Je me dis, mais pourquoi ça part d'un conflit, en fait c'est con, finalement, nous, on a un truc à apporter. Bon, les gens... j'avais du mal à trouver où était le conflit dans le truc. Et effectivement, peut-être que oui, il y a des gens qui ne sont pas prompts à accepter ce qu'on leur propose, mais en même temps, bah, pourquoi on leur propose s'ils ne veulent pas l'écouter, enfin, c'est le nerf de la guerre, quoi, tout ça. Et voilà. C'est toute la question de la légitimité aussi qu'on a à imposer. Exactement, les... oui, exactement. Oui. Et bon, du coup, voilà, donc tu parles de. Bon, je défends ma chapelle, enfin, je ne sais pas sur les déplans, mais on parle de public adulte. Pour le coup, moi, j'ai vu un quatuor à cordes amateurs, donc a priori, un type de musique qui s'adresse plutôt à des adultes, pas à des jeunes. Qui voulait jouer à la médiathèque. Alors moi je dis pas très bien, bon, voilà, mais en même temps on n'est pas là pour faire un concert de quatuor à cordes, très bien. Et en fait, on a imaginé à la médiathèque de faire quelque chose de plus. Pour désacraliser un peu l'histoire du concert de quatuor à cordes, de faire une soirée consacrée au quatuor et au chiffre 4 de façon plus générale. Donc ça a eu lieu le 4 avril de l'année dernière, 4 avril 2014. Bon, là c'est. Silence de date, mais simplement c'était aussi rigolo. Et du coup, c'était une soirée déclinée en trois parties. Première partie, on a retrouvé la quatrième partie face à la quatrième, on aurait pu être la quatrième mi-temps, ou quelque chose comme ça. Mais, première partie, c'était un professeur plutôt atypique qui s'appelait le professeur Herbert von Leonard. Qui a fait une leçon sur l'histoire du quatuor à cordes, donc très classique sur l'histoire du quatuor à cordes, donc un côté un peu pédagogique, mais en même temps complètement décalé. On essaie de trouver les quatuors, les Ramones, le quatuor pour la fin des temps, enfin, ça brassait vraiment très large dans le sens du quatuor. Ensuite, apéritif dînatoire sur le thème 4, toujours avec, je sais pas, pizza 4 mages, des toasts aux 4 épices, des choses comme ça, et ensuite le concert avec la C majuscule du quatuor à cordes, quoi. Bon, encore une fois, c'est pas pour s'envoyer des fleurs, mais je trouve que c'est ce genre de truc qu'on a à faire pour, je sais pas si j'ai raison ou pas, mais pour essayer de désacraliser encore une fois les choses, et puis pour être vraiment dans la médiation, voilà, bon ben, quelqu'un se dit, bon ben voilà, il y a à boire et à manger, bon ben je vais peut-être venir, et puis ben, finalement je vais aller au concert après coup, et puis ben, au final j'aurais passé une bonne soirée, alors que j'ai jamais entendu de quatuor de ma vie, mais ben, pour le coup, là, ils en auraient peut-être écouté. Alors c'est peut-être un peu, c'est pas le bisounours, mais bon, modestement, voilà. Avec 4, pas avec 1. Comment? Il faut le faire avec 4, pas avec 1. Avec 4 quatuors. Oui, je dis 4 fromages, ça va bien, 4 avec ça, si t'as quand même. Ah, si t'as quand même, effectivement, c'est forcément juste 4, c'est même. Non, mais donc voilà, moi j'ai la conception du. T'as senti que tu touchais un public différent tu... Ah, bah oui, complètement. Oui, bah, si on avait fait le concert, je pense que j'aurais eu les amis des musiciens, éventuellement les enfants, les parents de l'école de musique qui seraient venus. Alors que là, on a la Gégenda qui est venue. Voilà, parce qu'il avait envie de passer un bon moment, et puis en même temps, il en a sorti. Le fait de soit t'impliquer perso dans le truc, tu le vends aussi beaucoup plus facilement. Oui, oui, ça c'est sûr, ouais. Mais c'est ça que je voulais rajouter, c'est des interventions organisées par nous-mêmes, quoi. Ou si on fait appel à de l'association extérieure, ça c'est pas le même coût, et forcément, mais c'est pas le même impact non plus. Et c'est vraiment divisé en deux, quoi. C'est soit notre médiathèque a de l'argent et la politique. Voilà, la politique de la vie, elle fait, on peut aller à l'extérieur, ramener des groupes ou des. Voilà. Soit on ne peut pas faire tout ça. Et donc on fait avec nos compétences. On n'est pas tous musiciens, malgré qu'on travaille en discothèque, ni vidéo, voilà. Donc soit on invente des choses avec les supports que nous avons, où on fait des recherches, où on monte des petits projets comme ça, des petits ateliers. Et je trouve que ça, c'est intéressant dans notre métier, quoi. C'est peut-être ça à développer pour que nous-mêmes soyons créateurs. Quoi. Parce que souvent, dans la médiation culturelle, on va faire appel à l'extérieur parce qu'ils sont spécialisés. Alors, forcément. C'est souvent la tendance, ouais, de ne pas trop se mouiller et de. C'est ça. Alors, du coup, c'est aussi une question de compétences. Hein. Je pense qu'on en parlera après. Il y a différentes choses. Ouais, de formation, de compétences. à la fois scientifique et pédagogique. Oui, puis je crois que l'un n'empêche pas l'autre. Hein. Oui. Non, c'est sûr. Et est-ce que du coup, le fait de faire ces animations, ces ateliers, ces quatre créatifs, je ne sais pas, d'être l'interlocuteur des gens, en fait, on en discutait à midi avec quelqu'un, au bout d'un moment, il y a des gens qui viennent en médiathèque, même plus pour les collections, mais pour les agents même. Oui, ben bah voilà. Donc ça tombe très bien. Et du coup pour le conseil. Ouais. Et du coup, on devient un repère. Et après, le problème par rapport à ça, c'est qu'il y a encore cette grande notion que c'est, même si c'est du service public, mais que c'est le service public de renseigner et de prendre des prêts qui prévaut, et on ne peut pas tout faire non plus. Ça demande un gros investissement en travail, en préparation en général, ces choses-là. Et peut-être qu'il faut chercher du 50-50. Des fois, il faut vraiment faire appel à un spécialiste, et des fois, rester quand même cette personne référente que peut-être au bout d'un moment, des gens connaissent et viennent aussi parce qu'ils connaissent et qu'ils sont en confiance par rapport à ça. Je ne sais pas. On peut être aussi, de toute façon, je pense, prescripteur aussi d'intervenants extérieurs. Ouais. Enfin, les gens sont habitués à venir aux animations parce qu'ils savent qu'on va faire venir des gens de qualité. Et autant on est prescripteur de bonne musique, de bons livres, mais aussi d'intervenants extérieurs aussi. C'est une autre compétence. Quoi. Et pour vous rejoindre et vous répondre, c'est exactement ce qui a motivé la municipalité de Calais à faire appel par exemple à Bibliothèque sans frontières, dans le sens où, pour vous rejoindre, le lien même individuel entre les bibliothécaires et ses publics et ses non-publics, entre guillemets, ou en tout cas des gens que l'on cherche à faire rentrer à la médiathèque et qui ne le sont pas. C'est justement la raison qui a poussé la municipalité à acquérir le dispositif de la Disbox, où pour le coup on va travailler là sur un an avec les bibliothécaires, travailler avec eux sur le contenu, le fond, il n'y a pas besoin d'y revenir, vous connaissez tous vos métiers, c'est justement maintenant le moment de le rendre visible à l'extérieur et en même temps d'offrir un soutien et on va dire un réseau de partenariats que la Bibliothèque sans frontières s'occupe de tisser en écoutant évidemment les attentes et les expériences passées des bibliothécaires. Hein. L'idée, c'est de construire quelque chose, d'être vraiment dans une co-construction. Et c'est vrai qu'on a à peine commencé l'expérimentation. Là, l'IDISBOX devrait être déployée pour le mois de juillet à Calais. Mais c'est très intéressant de voir au sein d'une équipe des bibliothécaires, il y a évidemment, vous le savez tous, des gens qui sont très investis, qui donnent beaucoup d'eux-mêmes, puis d'autres moins, soit par manque de temps, soit par un manque de confiance en soi vis-à-vis de ce travail de médiation culturelle. Parfois, c'est aussi que ce travail de médiation culturelle n'est pas compris comme faisant partie de ses attributions de travail. Donc tout ça, c'est des réflexions à avoir, et qu'un partenaire extérieur, parfois, permet justement de libérer, dans le sens où, très concrètement, hein, moi, quand je me balade dans la médiathèque et puis que je peux discuter avec les bibliothécaires, « Ah bah tiens, pourquoi t'as pas pris la parole à tel atelier ?» Je suis extérieure à la médiathèque. Donc du coup, il n'y a pas évidemment l'enjeu qu'il peut y avoir quand vous êtes au sein d'une équipe. Voilà. Et je me rends très très fortement compte de l'envie très très forte, du désir très fort qu'il y a des bibliothécaires pour faire un travail de médiation culturelle et sociale, on prend ça de manière très vaste. Et parfois du manque de possibilités, des fois c'est des questions de temps et de disponibilité, mais également en termes de compétences. Et c'est vrai que là on a commencé des discussions avec des partenaires sociaux et associatifs d'un quartier prioritaire de Fornuelet, qui utilisent la médiathèque comme un centre de ressources. Ils viennent, ils empruntent pas mal de bouquins pour leur centre de ressources, ils ont des accords avec la bibliothèque, il n'y a pas de problème. Mais en fait, il n'y a jamais tellement d'échanges de personnes. Et ce n'est pas du fait du manque d'envie, au contraire, mais c'est du fait du manque de passerelles, parce qu'il y a un moment, on est aussi dans les urgences où on ne se permet pas toujours ce temps. Où, voilà, on en a eu une fois, ça a bien marché avec la pizza gastro-fromage. Excusez-moi pour l'exemple, mais c'est vrai que c'était un très bon exemple. Et puis remettre ça en route, ce n'est pas toujours facile non plus. Et je crois que pour le coup, il y a vraiment un travail intéressant à faire, et c'est ce qu'on se propose de faire avec la Disbox, de permettre cette passerelle-là, qui permet à chacun à la fois de valoriser ses compétences et de reprendre confiance parfois sur des questions de qu'est-ce que je sais déjà de tout mon travail, qu'est-ce que je peux transmettre et partager, et notamment des partenaires sociaux, mais également des partenaires culturels extérieurs qui identifient très bien la médiathèque, mais très peu les bibliothécaires en termes de ressources à la fois humaines, de savoir, de créativité, d'innovativité, etc. Oui, je reviens sur l'exemple donc, des concerts dans la bibliothèque. C'était dans la bibliothèque ou dans un espace un peu spécifique Il se trouve qu'on a une salle attenante à la bibliothèque. D'accord. Ouais. C'était les livres, si vous pouvez. Dans la bibliothèque, mais dans une salle à part de la bibliothèque et en dehors des horaires d'ouverture parce que c'était le soir et que c'était fermé. Oui. Alors nous, juste pour donner un exemple un peu du même style à la BPI, nous on a fait le choix aussi d'organiser régulièrement des petits concerts, notamment en partenariat avec le Conservatoire de Paris. Donc ce sont des concerts, pour l'instant, soit de classique, soit de jazz, avec des interprètes très jeunes, donc qui sont encore en formation. Et on a fait le choix d'organiser ces concerts au sein même de la bibliothèque, dans l'espace musique en fait. Donc pendant les horaires d'ouverture, donc je ne sais pas si vous voyez à BPI, ce sont des grands plateaux ouverts, bon, l'espace musique est un petit peu cloisonné mais pas du tout insonorisé, donc bon, on choisit des horaires où ça cause le moins de problèmes possibles au niveau du bruit pour les gens qui travaillent à côté. Mais on a fait ce choix justement parce que nous on a un public aussi justement à la BPI et notamment dans l'espace musique en grande difficulté sociale. C'est un public qui utilise les collections, qui est en général assez monomaniaque dans ses goûts, dans ses choix, pas toujours. Et c'est un public qui recherche donc dans l'espace musique aussi une forme de tranquillité, voire une forme de confort domestique. Parce que pour certains, ils sont sans domicile. Donc nous, on a fait le choix justement de proposer ces concerts dans l'espace musique, à la fois pour que ces publics-là, qui ne viendraient pas si jamais le concert était organisé dans une salle du Centre Pompidou, par exemple, dans une des salles de spectacle, puissent venir, et aussi pour faire venir le tout venant de la bibliothèque, donc des étudiants, des personnes jeunes en général. Enfin, c'est la moyenne d'âge à la BPI est quand même très jeune, ça tourne autour de 22-23 ans. Puissent venir à ces concerts et découvrent aussi des formes musicales qu'ils n'ont pas forcément l'habitude d'écouter, mais qui soient attirés par ces concerts parce que ça se passe en fait dans un lieu qui leur est familier. Donc c'est toujours pour rester sur cette idée de démocratisation un peu de formes musicales qui ne sont pas forcément plus savantes ou plus élitistes que d'autres, enfin, qui sont élitistes par essence, mais qui ne sont pas forcément supérieurs à d'autres, mais que finalement les personnes ne connaissent pas, n'écoutent pas beaucoup, en tout cas en formation concert. Donc ça nous paraissait important en fait qu'il y ait ce type de rapport et d'échange aussi entre les musiciens. On insiste à chaque fois sur le fait qu'il y ait un échange entre le public et les musiciens. Alors on ne fait pas la pizza à quatre fromages, parce qu'on n'est pas encore aussi ouvert d'esprit pour mettre des pizzas à la BPI, malheureusement. Mais ce type de rapport en fait dédramatise aussi beaucoup le rapport à la musique classique et permet soit une forme d'identification pour les plus jeunes, soit une forme de décomplexification un petit peu. Oui, j'allais juste demander pourquoi de la musique classique et du jazz. En fait, c'était pas un choix de départ, c'est juste qu'on a noué un partenariat avec le Conservatoire de Paris, qui a des formations uniquement classiques et jazz. On n'a pas fait que ça, on a fait aussi du folk un petit peu, on va s'ouvrir à d'autres formes musicales, on va essayer de faire de l'électro. Après, on est obligé, compte tenu du fait qu'on fait ça toujours sur les heures d'ouverture, à un moment où le public travaille autour, de garder des formats soit acoustiques, soit un peu lounge, quoi. Oui, mais il y a d'autres genres musicaux. Puis le jazz, oui. Ça peut être super violent. Hein. Ouais, voilà, c'était du jazz facile. Enfin, facile, c'était pas du jazz... Après, c'est pas un choix esthétique d'office, en fait. Non, ça a été une opportunité. Que c'est celui-là, quand même, quoi. On a fait du folk aussi. Voilà. Après, le rock, on aimerait bien, mais là, on va avoir des problèmes. Enfin, le problème, c'est qu'on a souvent, même avec du classique, des réactions violentes des personnes qui travaillent aux alentours. Donc après, c'est un choix qu'on assume complètement, mais c'est pas un choix esthétique du tout. Non, mais ce qui me gêne dans ces questions autour de la médiation sociale, c'est que j'ai l'impression qu'il y a toujours un fond dont on a du mal à se départir en médiathèque, c'est le côté pédagogique. C'est le côté où y a, voilà, on va partager, mais je vais surtout partager ce que moi je connais et que... En fait, c'est comme quand tout à l'heure, pardon, j'ai pas retenu ton prénom, tu parlais du fait que les gens qui viennent, effectivement, enfin, notamment les plus jeunes, viennent et ils connaissent 10 artistes qui sont les artistes mainstream. Mais moi, ce qui me choque souvent, c'est qu'en médiathèque, on n'a pas ces artistes-là. On ne les achète pas, on les méprise. Et je trouve que ça fait partie de la... De moins en moins, quand même. Oui, non, mais de moins en moins. Mais il n'empêche que, je suis désolé, vous faites des recherches dans les catalogues de médiathèques, il y a plein d'artistes. Il y a Black M, je ne sais pas s'il est dans toutes les médiathèques de France, ça m'étonnerait. Franchement, ça m'étonnerait. Il n'est pas dans toutes les médiathèques. Non, mais je veux dire, quand on a plus de facilité à acheter des choses ou à vouloir présenter des choses que nous, on va estimer qui va grandir l'âme des pauvres petits et démunis qui viennent à la médiathèque. Et je trouve qu'on a un peu trop cette tendance-là à se dire la médiation aussi, elle passe par... Enfin voilà, il y a un échange aussi. C'est pour ça que je trouvais ton exemple, le fait de valoriser ce que des enfants vont pouvoir écouter et qui va être un petit peu masqué, je trouve ça vachement intéressant comme idée. Parce que du coup, ça reposait aussi sur un échange et pas uniquement sur moi, médiathèque, moi, institution... Je te délivre l'idée, c'est ton classique quotidien. C'était de rebondir, quoi. Moi, j'avais pas un truc, j'avais rien de prêt, c'était on écoute de la musique, le mot m'a tourné la tête, j'ai fait hop, j'ai rebondi sur son intervention, quoi. Et du coup, c'est ça, c'est être à même aussi, moi, là, c'est comme ça que je vois le truc, c'est je rebondis sur ce qu'il y a à rebondir, quoi. En fait, il y a un cadre, mais c'est super freestyle, en fait. J'ai pas un but à la finale, quoi. Après, on tombe vraiment sur le problème de la prescription, qui est vraiment inhérent à la médiation et même à l'offre de collection. Hein. Ça, je suis tout à fait d'accord avec vous là-dessus. Après, en médiation culturelle, on essaye en général de faire découvrir des choses que les gens ne connaissent pas. Oui, c'est un peu notre idée. Ça va être notre préjugé sur ce que les gens ne connaissent pas. Mais tu es obligé à partir du moment où tu fais des choix. Oui, mais du coup. C'est logique. Du coup, c'est logique. Mais nous, ça n'exclut pas du tout qu'un jour on fasse du rap ou du hip-hop ou de l'électro, parce qu'il y a des gens qui ne connaissent pas, effectivement, et qui pourront découvrir ça. Là, ça a été, mais je vous dis, on a fait 4 concerts, hein, ça a été vraiment pas un choix esthétique délibéré, c'était plutôt une question d'opportunité aussi. Non, mais que ce soit du rap ou autre chose, tu seras prescripteur quoi qu'il en soit. Je veux dire, non, mais bien sûr. J'ai l'impression que c'est toujours un peu... Il y a une volonté derrière. Mais ce que je pense aussi, c'est que le classique, tout le monde n'y a vraiment pas accès. Quoi. C'est pas quelque chose quand même de très... Non. Ce qui est rigolo, c'est que nous, on a fait, pas plus tard que l'année dernière... à la médiathèque de Malakoff, à Culturzik autour du dub. Donc, pas forcément sur le public qui vient à ces écoutes, à ces conférences musicales, c'est pas franchement le public. Et ben, ce qui est complètement incroyable, c'est que 3 personnes sur 5 sont reparties en empruntant des CD. Donc, je crois que il faut oser, hein. Il faut pas avoir peur. Hein. Je crois que les gens ont envie, enfin en tous les cas ceux qui font l'effort de se déplacer, ou même quand on va à la pêche au public et puis qu'on suscite un petit peu, qu'on creuse un petit peu, les gens si on sait présenter les choses et les amener, ils peuvent découvrir. En fait, ils ont envie de découvrir il faut créer les opportunités pour que ça puisse, pour que cette curiosité puisse après les amener un petit peu plus loin, après par eux-mêmes à découvrir des musiques. Alors c'est marrant parce que sur plein de styles comme ça, musicaux, des gens qu'on n'aurait jamais soupçonnés, pareil autour de, je ne sais plus, c'était sur le slam ou sur le rap, on s'est retrouvé sur un atelier d'écriture avec des gens qu'on n'aurait pas soupçonnés participer à ces ateliers et qui se sont pris au jeu et qui ont vraiment découvert quelque chose et qui se sont éclatés. Donc, aussi bien sur l'écriture que après sur l'expression scénique où après on monte sur scène et puis, puis on y va, quoi. Donc, au début, c'est tout tremblotant et puis à la fin, les gens se piquent au jeu, quoi. Donc voilà, donc il faut oser, je crois. Un frein peut-être à cette médiation, c'est que pour rebondir par rapport à ce que tu disais, c'est que discothécaire, c'est un métier de passionné, on est des passionnés de musique, et je ne dirais pas qu'on a tous un mépris du mainstream, mais en général, on est souvent assez exigeant, et je ne sais pas si on fait les statistiques de qui adore Black M dans la salle, donc voilà, je ne sais pas. Et peut-être qu'on n'arrive pas à aller au-delà de ça, de se dépassionner et d'accepter d'écouter. Parce qu'on avait fait une session de coup de cœur où on proposait aux gens d'amener leur disque. Il y a des ados qui sont venus et ils ont voulu passer du section d'assaut. Ils étaient super contents de passer du section d'assaut et de partager ça avec les gens qui étaient là. Voilà, moi je suis là, mais il faut essayer de regarder ça objectivement et d'accepter ça et d'accepter que la personne qui est là est en train de se faire plaisir à partager un truc qu'on n'aime pas forcément avec d'autres gens. Et c'est peut-être là que ça commence, en essayant il ne faut pas dévaluer ce que les gens demandent. C'est non, ça. Ce qui est important, c'est qu'avec ce genre de démarche aussi, les gens qui vont proposer section d'assaut, effectivement, et que la bibliothèque va le passer, ils vont se sentir acceptés par l'institution. C'est ça. C'est quelque chose qui est vraiment très important pour qu'après, ils puissent se sentir à l'aise, finalement, dans ce type d'environnement. Oui, c'est un peu ce que tu dis aussi. C'est le fait, dans ton expression de pourquoi du jazz et du classique, c'est pourquoi pas ce que les gens écoutent et qu'on les accepte, qu'on ait les CD dans les bacs, ça veut dire vous êtes plus qu'accepté, c'est on a des choses pour vous, quoi. C'est ça que tu voulais mettre en avant. Moi, je peux donner peut-être un petit retour d'expérience par rapport à là où je travaille, parce que à Villeurbanne, la Maison du Livre a une programmation qui est peut-être considérée comme un peu élitiste parfois. Enfin, on a une programmation assez musique contemporaine, création. Mais en même temps, moi, c'est vrai que quand je suis arrivée il y a quelques années, il n'y avait pas. Tous les bacs étaient rangés par l'alphabétique, etc. Et c'est vrai que quand les ados arrivaient et quand ils nous demandaient, vous avez de la musique de jeune, vous avez machin, on leur disait oui, mais regarde par l'alphabétique, tout ça, au milieu de choses très pointues. Donc j'ai mis en place un endroit ou un bac où on regroupait quand même pas mal le Black M, etc. Donc moi, ça me tenait vraiment à cœur d'accueillir les gamins parmi les collections de musique expérimentale et tout, de leur dire, vous avez quand même votre place. Mais en même temps, on accueille des musiciens, des improvisateurs, Sclavis, Marc Ducret, des gens qui font des choses quand même, vraiment pas faciles. Et à chaque fois, on s'arrange pour que les classes, elles fassent une session avec eux l'après-midi. Et c'est des enfants, que les ados c'est plus difficile, ça j'avoue, mais quand même ça a quand même quelques résultats. On les met face à face, ils jouent leur truc, et après ils peuvent poser plein de questions et réagir, et ça marche pas si mal en fait. Donc moi je me dis, faut pas non plus leur passer que ce qu'ils connaissent, parce que forcément, ça va rien leur apporter, mais en même temps si on les intègre aussi à des choses qui parfois sont super surprenantes. Alors il y en a qui sont super allergiques, qui jamais vont y retourner, mais il y en aura d'autres qui auront vu ça, et je sais pas... ça va peut-être leur ouvrir des perspectives, quoi. Donc je comprends ce que tu dis, mais en même temps, pourquoi pas leur proposer aussi des choses complètement à rebrousse-poil, tout en accompagnant effectivement avec la médiation les bons mots, la bonne personne. Moi je trouve que c'est pas antinomique. Ce qu'on essaie de faire, c'est de justement mélanger Black M et Marc Ducret. Ça marche aussi. Je vois pas ça comme antinomique. C'est vraiment, nous on va des choses de plus commerciales je pense pas qu'on est antinomique, mais j'ai l'impression que nous, on va plus facilement aller vers un truc, on va casser leur code, quoi. Il y a un petit côté je sais pas, quand ils arrivent, je leur dis pas, à Black M, Si je peux me permettre du coup de rebondir sur vos différentes interventions, et pour me permettre de sortir un peu du domaine musical pour être un peu plus dans le domaine des livres, ce qui qui est important également et qui est difficile à faire parce que ça demande du temps et beaucoup d'investissement, c'est de partir des pratiques. Et notamment, et ça permet d'éviter justement le syndrome de la prescription, et ça n'empêche pas du tout l'ouverture. Hein, ça va ensemble, mais c'est vrai que la prise en compte des pratiques, vous l'évoquiez ce matin à la table ronde, avec Bibliothèque sans frontières, on a monté un programme de cartographie à destination des mineurs étrangers isolés avec la Gaîté Lyrique. Et l'idée était évidemment de s'adresser, puisque on parle, voilà, pour les usagers, les habituels, ceux qui viennent, ceux qui viendront toujours d'une manière ou d'une autre, la question se pose finalement un peu moins, même les classes, puisqu'elles sont, les élèves sont entre guillemets captifs, je n'aime pas du tout ce mot non plus, mais effectivement ils viennent parce qu'ils sont poussés à venir, et parfois ça marche très bien, et quand il y en a qui reviennent, c'est quand même le but, et ça fonctionne. Mais pour parler des populations qui ne franchissent même pas le seuil de la médiathèque, et que parfois on ne connaît même pas, qu'on ne voit pas, ou alors on les voit en tant que citoyens, et puis du coup ça pose des questions par rapport à ces pratiques professionnelles, ce dispositif qui avait été mis en place visait à identifier des lieux qui sont les lieux que vous parquerez, vous et moi, mais qui en fait pour eux revêtent une toute autre forme. Par exemple, Gare de l'Est. Moi, qu'est-ce que je fais Gare de l'Est? Je change de métro. Eux, Gare de l'Est, qu'est-ce qu'ils font? Et ils s'informent des prochains trains qui partent pour Amsterdam, l'Angleterre. Ils s'informent du prix d'un smartphone, ils s'informent, etc. Et en travaillant très très étroitement avec des éducateurs spécialisés qui font un travail quasiment individuel avec chacun d'entre eux, c'est ces partenaires-là, ces partenaires sociaux. Et moi, je pense que je vous invite en tant que médiathèque à travailler très étroitement avec les partenaires sociaux et toutes les structures d'aide sociale qui sont en demande en plus de la part des bibliothèques et des médiathèques, parce que évidemment que les ressources qu'il y a dans les médiathèques est indispensable pour cette ouverture et en même temps pour cette intégration. Et donc, ces mineurs isolés ont construit cette carte, donc, et en fait, sur une plateforme internet. Hein, donc, Lightisbox était juste un prétexte pour créer un espace commun. Dans cet espace commun qui est identifié et dans lequel les jeunes se regroupent, les échanges vont. Ah, toi aussi, t'es passé Gare de l'Est, je t'ai vu l'autre fois. Toi, tu vas prendre quoi comme information? Et ils ont fait une petite carte comme ça. Et c'était extrêmement intéressant parce qu'ensuite, cette carte, on l'a fait partager avec les partenaires plutôt culturels avec qui on travaillait, notamment la Gaîté Lyrique, mais aussi les bibliothèques de quartier, et qui se sont rendus compte qu'il y avait des pratiques qui étaient peut-être à, 2-3 mètres de distance. Mais en fait, sans connaissance l'un de l'autre, ça ne pouvait pas fonctionner. Et ça a amené ces mineurs isolés étrangers avec qui on travaillait à se rendre compte que là où on dit le smartphone récupéré dans la poche du ballot, il y a aussi juste à côté en fait une médiathèque et qu'on peut avoir accès sans avoir réussi à avoir son smartphone. On peut avoir accès éventuellement à Internet si c'est le besoin qui est exprimé. Mais ça, ce que je veux dire, c'est que le fait d'avoir créé une plateforme à partir des pratiques d'une population qui restait éloignée des médiathèques, ça a permis également... c'était plutôt la structure de la Gaîté Lyrique, mais ça leur a permis de comprendre un petit peu mieux pourquoi ce public-là ne venait pas, comment éventuellement il pouvait venir, ou en tout cas de mieux le connaître et de se dire, de manière un peu plus, peut-être parfois ponctuelle, parce que ce sont des gens qui sont dans un passage sans arrêt, qui sont dans une insécurité au niveau de leur vie, donc la régularité est difficile à mettre en place. Vous en parliez tout à l'heure à propos des rythmes scolaires. Quand il y a une difficulté à remettre en place de la régularité, que ce soit du fait du cadre ou bien du fait de la vie des personnes qui ne le permettent pas, c'est pas évident. Et je crois qu'il faut vraiment développer ces types de partenariats avec les structures d'aide sociale qui réellement ont besoin des ressources que vous proposez. Et j'avais une question sur le contenu en fait de vos vox. Est-ce que c'est variable en fonction des lieux, enfin, comment vous adaptez, ou est-ce que vous créez des documents, est-ce que c'est que de la médiation autour, sur place en fait? Non, bien évidemment que c'est adapté, vous imaginez bien qu'entre un camp de réfugiés au Liban et un camp de réfugiés au Burundi, c'est pas possible d'avoir le même contenu. Donc pour prendre l'exemple du Burundi, parce que c'est là que ça a été le plus achevé, mais c'est les mêmes mécanismes qui sont en place en France. L'idée, c'est évidemment déjà de voir ce qu'il y a sur place en termes de médiathèque, en termes de librairie, de maison d'édition, d'acheter au maximum en local, puisque l'idée n'est pas non plus de mettre un frein à l'économie du livre. Là, on parle du livre principalement en local. Quand c'est pas possible, comme au Burundi, puisque les contenus écrits en Kirundi, qui est la langue du Burundi, sont assez rares, essayer de trouver au maximum, donc pour le coup de travailler avec des auteurs, des écrivains, donc là c'est vraiment au cas par cas. Et pour la France, là on est sur deux systèmes différents. À Calais, on travaille avec la médiathèque de Calais, qui donc va mettre à disposition son fonds. En fait, la Lightisbox lui appartient et c'est comme un prolongement de la médiathèque. Donc dans ce cas, mais même là, la sélection du contenu, on a tout un travail en amont avec les partenaires sociaux justement qui travaillent avec différents, entre guillemets, types de publics dans un quartier prioritaire. Donc on a ciblé un territoire, on cible ensuite des différents types de publics, des tranches d'âge, etc., pour se rendre compte des besoins. Et l'idée étant évidemment d'adapter au fur et à mesure. Parce que la Ideas Box au Burundi, par exemple, qui est posée depuis 2 ans, elle a changé plus de 5 ou 6 fois de contenu. Parce qu'on s'est rendu compte que c'est pas le Kirundi qui parlait, c'est le Kiswahili majoritairement. Qu'on s'est rendu compte que même si la langue officielle, la langue entre guillemets étrangère officielle était le français, c'est en fait l'anglais qu'ils souhaitent apprendre parce qu'ils sont à la frontière avec la Tanzanie. Et en fait, voilà, dans le processus, il était tout à fait compris dès le départ de la part de Bibliothèques sans frontières qu'on s'adapte au maximum. Personne ne connaît auquel on s'adresse. Pour avancer un petit peu, on va peut-être, donc pour rebondir sur ce que disait Annabelle, justement parler de cette question des partenariats avec les partenaires sociaux ou avec des partenaires du monde culturel. Pour parler précisément de ce qu'on peut faire dans nos bibliothèques, donc nous, par exemple, on accueille effectivement beaucoup de personnes en grande difficulté socio-économique, voire psychique. En fait, on ne sait pas très bien quoi faire avec eux, pour eux, ils ne demandent pas grand-chose. Peut-être qu'il faut simplement rien faire, les laisser consulter les documents comme ils l'entendent, utiliser la bibliothèque comme ils le veulent. Parfois, on se sent un peu quand même démunis, désarmés face à eux, parce qu'ils peuvent avoir des comportements parfois aussi un peu compliqués ou contradictoires avec les règles de l'établissement. Voilà, alors on sait aussi qu'il y a des institutions publiques comme l'Hôtel Dieu qui envoient en fait, des hôpitaux de jour qui envoient des patients parfois à la bibliothèque dans la journée justement pour qu'ils se socialisent, etc. Sachant que nous, on n'a absolument pas les compétences de gérer une crise ou un problème si ceux-ci surviennent. Est-ce que vous avez parfois dans vos établissements des expériences de partenariat justement avec des acteurs sociaux ? Nous justement, on serait pas mal en demande parce que dans notre commune, on a remarqué que je ne sais pas si c'est les conditions socio-économiques qui se crispent ou voilà, on a beaucoup justement le public que vous évoquiez et aussi pas mal de populations de primo-arrivants, par exemple de populations roms, et on s'est retrouvés face à des gens qui ne parlaient pas forcément la langue. C'était très difficile de communiquer avec eux et justement on se demandait mais comment on peut faire pour justement établir la médiation avec eux en sachant que la compréhension entre les deux est quand même assez compliquée. Et on se posait des questions justement de quels partenaires sociaux à qui s'adresser. Donc c'était plus des questionnements qu'on avait en fait par rapport à ça et on est parfois effectivement démunis par rapport à quelle structure contacter. Enfin, c'est pas toujours Donc pour les primo-arrivants, on a un partenariat avec des associations comme France Terre d'Asile ou l'Ami de Pain, enfin, qui est plus sur le champ social. Enfin, en tout cas, France Terre d'Asile, par exemple, vient faire une permanence une fois par semaine, je crois, tous les jeudis, pour justement... ils sont situés dans un point bien identifié, où les personnes qui viennent d'arriver en France, qui ne parlent pas le français, puissent venir leur parler. Alors c'est axé, nous, sur les personnes d'origine afghane, en fait, puisqu'il y a eu un moment où il y a eu beaucoup de personnes afghanes qui sont arrivées et qui se retrouvaient à la BPI. C'était devenu un petit peu un point de ralliement, qui effectivement fréquentaient la bibliothèque, mais ne connaissaient pas une grande partie des services qu'on pouvait leur proposer. On a des ateliers d'auto-formation, d'apprentissage du français en langue étrangère, on a des ressources pour apprendre le français. Et finalement, les personnes en accueil n'étaient pas à même de leur fournir ce renseignement-là, quoi. Et encore moins les renseigner sur leurs droits, sur éventuellement leurs démarches en termes de droits d'asile, d'hébergement, etc. Voilà, c'est vraiment, je pense, avec le partenariat, avec ce type d'institut d'association, qu'on peut réussir à tisser des liens. Nous, c'est comme c'est un phénomène relativement récent, enfin, on n'a pas encore mis en place ça, mais je pense que c'est indispensable parce que c'est de réunir des partenaires sociaux dans une médiathèque, dans un centre culturel. La volonté des. Pas notre volonté à nous, mais la volonté de la hiérarchie, enfin de la mairie, quoi. Ouais. Il y a déjà nous, on travaille dans les dans au fond du cours, c'est sympa, c'est toujours sympa. Et il y a CCAS qui est à droite et nous on est à gauche. Bon, on est souvent patrons, donc ils viennent nous voir nous pour leur demander c'est pas là, ça passe. On repère tout à, très vite le profil, enfin, parce qu'en faisant la question, on peut les réorienter. Mais nous, chez nous, on n'a pas de. Il y en a de permanence et ça ne sera pas une volonté politique. Quoi. Donc après, après, créer des partenariats, c'est difficile pour nous. C'est difficile, oui, il n'y a pas vraiment. Enfin, on pourra en parler après, il n'y a pas vraiment de cadre réglementaire ni d'incitation à faire ça. Quoi. Donc, ouais. Donc après, on se retrouve avec nos problématiques. Quoi. Ouais. Oui, et en même temps, pour aller dans le sens des partenariats, alors c'est vrai qu'il n'y a pas toujours les moyens, mais je crois que c'est là où c'est intéressant quand même d'aller chercher des ressources extérieures, parce qu'on ne peut pas avoir, toutes les compétences, c'est pas possible. Et nous, par exemple, quand on travaille en IME, on travaille avec des musiciens qui ont une formation d'art thérapeute ou musicothérapeute, parce que sinon c'est pas possible de travailler si on connaît pas spécifiquement les problématiques de ce public. Le musicien lambda est totalement démuni, comme vous dites, vous êtes démuni aussi. Donc là, les partenariats prennent tout leur sens parce que c'est avec les compétences extérieures qu'on peut arriver à offrir aussi une diversité, une qualité de service et une ouverture des équipements. Donc, par contre, le problème, c'est que ça demande, dès qu'il y a partenariat, ça demande quelques ressources, mais il y a un moment, c'est compliqué de faire avec rien aussi. Hein, donc, Après, vous bénéficiez quand même du fait qu'il y a un énorme réseau des médiathèques en France et que vous êtes nombreux à avoir des problèmes similaires. Pour vous répondre, la médiathèque de Calais, donc avec qui nous travaillons, a été confrontée à un débarquement, parce que là, c'était vraiment le cas de migrants à l'été dernier, où il y a eu vraiment un nombre assez incroyable de migrants qui s'est présenté à la porte de la médiathèque, qui avait été identifiée comme lieu... possédant de nombreuses prises électriques et puis un site internet. Et ça a été vraiment des situations assez terribles parce que vous êtes tous dans des structures libres d'accès et vous souhaitez que ça reste libre. Donc, vous, évidemment, tous ces publics-là se mélangent ou ne se mélangent pas du tout, se confrontent à créer des situations. Enfin, là, il y a eu vraiment des situations folles parce que c'était 300 personnes. Vous voyez débarquer à 8h du matin. Quoi. C'est pas... Et ça en est arrivé à un point où malheureusement la situation de tension qui existait, donc Calais, vous connaissez tous la situation, c'est particulièrement fort, mais je pense que vous pouvez avoir des choses similaires qui ont lieu, des phénomènes similaires qui ont lieu dans vos médiathèques. Et ils en sont venus à un point, ils ont dû fermer la médiathèque deux jours et faire malheureusement appel aux forces de l'ordre contre leur gré, dans le sens où c'est juste qu'ils ont été à un point de débordement avec beaucoup de leur personnel qui était dans un état de tension psychologique tel qu'ils n'arrivaient plus à avoir leur personnel pour ouvrir. Donc il y a un moment où vous vous dites, bon, on ferme, on respire et puis on réfléchit un petit peu. Et ils ont réfléchi. Et en plus de tout un système de signalétique pour expliquer comment utiliser un ordinateur avec des dessins, comment utiliser les toilettes, parce que parfois c'est aussi des choses basiques qui se passent, mais les médiathèques sont des espaces de vie communes, donc qui comprennent tout ce qu'on fait dans un espace de vie en commun. Et ils ont installé sur les prises électriques, qui étaient complètement surchargées de téléphone de 8h du matin jusqu'à 10h du soir, ils ont installé, vous savez, les protège-prises qu'on met pour les nourrissons. Et ces migrants avec qui certains ils avaient tissé des relations, mais certains non, parce que vous voyez certaines têtes que vous reconnaissez au fur et à mesure, il y a une relation humaine qui se crée, mais avec un tel nombre, c'est pas possible. Et il s'est avéré qu'au fur et à mesure, les migrants sont venus beaucoup, beaucoup moins nombreux. Et en fait, la directrice de la médiathèque m'expliquait qu'elle a perçu qu'il y avait eu une compréhension comme quoi ça avait été trop. Et que c'était plus... Alors en plus d'un phénomène que beaucoup sont passés en Angleterre, etc., il n'y a vraiment plus jamais eu cette pression-là. Et je pense que, pour le coup, appeler des médiathèques de Calais, si la problématique à laquelle vous êtes confronté, c'est une question des primo-arrivants... Appeler, communiquer entre vous sur certains problèmes, ça peut aussi être une première approche, je dirais. Bien sûr que ce n'est pas une solution en soi, mais qui vous demande pas trop de partenariat, qui ne vous demande pas trop d'investissement, et qui, à mon avis, vous êtes nombreux à être confrontés au même problème sur la médiation sociale, donc peut-être que c'est un réseau aussi important. Quoi. Mmh. Voilà, des pistes. Mais effectivement, je pense que c'est le partenariat avec le champ associatif spécialisé dans le domaine de la difficulté qu'on rencontre qui peut éventuellement faire sens. Après, effectivement, je pense qu'on a un manque de cadre de réglementaire qui nous incite en fait à tisser ce genre de relation, qu'on est souvent assez désarmé et assez seul en fait dans nos bibliothèques pour gérer ces problèmes. Nous, on est un cas un peu particulier, mais je pense que même au sein des bibliothèques territoriales, en fait, chaque municipalité, chaque bibliothèque a ses problématiques et qui serait important, en fait, déjà de mutualiser effectivement les bonnes pratiques, faire des retours d'expérience sur la manière dont ça se passe ailleurs, et puis un niveau plus élevé, formaliser aussi réglementairement ce qu'il est possible de faire en termes de partenariat, cadrer un petit peu le champ d'action des bibliothèques. Parce que c'est vrai qu'on essaye de passer de la médiation culturelle à la médiation sociale. Parfois, les bibliothèques sont quasiment inscrits dans les centres sociaux. Enfin, ça devient un petit peu tout et n'importe quoi. Et chacun y perd un petit peu de ses spécificités. C'est sûr qu'on ne peut pas, nous, tout faire, quoi. Pour revenir aussi sur ce que disait Bruno sur l'action en milieu spécialisé, donc pour ce qui est la bibliothèque hors les murs, quelles sont vos expériences dans ce domaine ? Moi, j'ai eu récemment une expérience à la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis où j'étais allée présenter, parler de la musique en bibliothèque à un petit groupe de détenus bibliothécaires. Qui étaient finalement eux aussi très très en demande de médiation sur la musique, voire d'ateliers musicaux. Alors bon, il y a des associations effectivement qui en font. C'est des choses qui sont très difficiles à monter en milieu carcéral parce que dès qu'on doit apporter du matériel dans ce type d'établissement, ça prend des mois, voire des années. Donc là aussi, qu'est-ce qu'on peut faire avec quel type de d'associations, de partenaires, on peut travailler. Est-ce que Bruno, tu veux en parler un petit peu? Ça dépend du centre, ça dépend de la maison d'arrêt, ça dépend vraiment du personnel qui vous accueille, enfin de la personne qui a l'initiative de votre accueil, parce que nous, on arrive à faire rentrer du matériel informatique, ce qui n'est pas forcément évident, ce qui est même contraire, au problème de sécurité. Mais il se trouve que là, sur Nanterre, il y a une personne sur l'éducation nationale qui est très, très volontaire et donc qui a réussi à faire sauter... ou avoir les autorisations nécessaires pour faire que le matériel puisse rentrer. Mais bon, donc, du coup, ça s'est fait assez facilement. Ça n'a pas pris plusieurs mois, ça a pris que quelques semaines. Bon. Voilà. Mais c'est vrai qu'on ne peut pas faire rentrer spontanément du matériel sans qu'il soit déclaré, mais quel que soit le matériel, que ce soit informatique ou même ou autre, dans une maison d'arrêt. Bon, ça se comprend aisément. Hein, donc de ce côté-là... Mais oui, c'est bon. En fait, c'est les interlocuteurs qui sont vraiment primordiaux, hein, parce que c'est eux qui déverrouillent votre accès ou pas dans ce type de lieu. Quoi. Et comme type d'action, c'était des ateliers des ateliers d'informatique musicale sur l'apprentissage de logiciels et surtout sur la création musicale, en fait. L'apprentissage du logiciel, c'est un outil, mais en fait, l'intérêt, c'était la création musicale. Donc, plus autour du hip-hop d'une manière générale. Je me demande, on entend beaucoup parler de médiation d'ateliers de création musicale, etc. Et je veux dire, au niveau du public, ils découvrent un outil, peut-être qu'ils sont en demande. Mais au final, qu'est-ce qu'on a comme retour là-dessus? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a une, deux, trois personnes qui vont vraiment se prendre de passion pour la chose et commencer à faire de la musique ou de la création? Ou est-ce qu'on est sur, en plus, dans le cas du détenu, sur peut-être juste une ouverture de perspective, mais qui ne restera pas ouverte si longtemps? Un bol d'air, ouais. Voilà. Alors, c'est sûr que sur une classe, on ne va pas dire qu'il y a 100% de personnes qui vont se lancer dans la création musicale. Mais si on arrive à ce qu'il y ait 2-3 personnes sur un groupe d'une dizaine qui s'intéressent à l'histoire et puis une qui s'investit vraiment complètement, ben, je dis c'est déjà énorme, quoi. Donc, bon, on ne cherche pas à avoir des résultats quantitatifs de toute façon. Hein. Je pense qu'il ne faut pas se mettre ça dans la tête parce que ça n'a pas d'intérêt de toute façon. Enfin, moi je pense. Mais après, si on peut susciter, des vocations, s'il y a des vocations qui peuvent se révéler, si ça peut les sortir de leur du marasme dans lequel ils sont, chaque grain, chaque goutte d'eau est importante. Donc voilà. Bah, pour ce qui concerne les centres de détention et maisons d'arrêt, ils sont aussi très demandeurs, alors pas sur un aspect médiation, animation, mais plutôt sur un aspect collection. Ils sont très demandeurs d'une offre de musique, de CD en fait. Parce qu'en général, donc, c'est des associations qui gèrent ces bibliothèques de prison, qui n'ont pas tellement de budget d'acquisition et qui concentrent les quelques budgets qu'ils peuvent avoir du CNL ou autre sur l'achat de livres. Donc en général, quand ils arrivent à monter des petits fonds de CD, ce sont des dons qui ne correspondent pas vraiment au goût de leur public, hein, puisque c'est souvent des choses désherbées par d'autres bibliothèques assez anciennes. Donc là aussi, il y a peut-être des partenariats à nouer pour les aider un petit peu à avoir des choses plus actuelles, plus en phase avec les goûts de leur public. Sinon, pour ce qui est, alors ben, moi c'est un domaine que je connais pas du tout, mais pour ce qui est d'intervention justement avec des publics handicapés, soit d'accueil de publics handicapés ou d'animation hors les murs, que ce soit handicap mental, physique, etc. Est-ce que vous avez des idées? Sinon, on avait fait quelque chose il y a quelques années à la BPI sur l'écoute par le toucher, en fait, c'était des ateliers d'écoute. Par le fait qu'il était mis au point par une compositrice en fait, qui avait inventé un dispositif, donc une table et des instruments un peu tactiles qui permettaient d'écouter la musique par les os, et donc c'était accessible aux malentendants. Donc voilà, on avait fait toute une journée d'ateliers, enfin c'était des ateliers qui duraient un quart d'heure, 20 minutes en fait, où les gens pouvaient aller librement. On avait fait une communication particulière là, justement à destination des publics sourds. Et ça avait plutôt bien marché. Alors, est-ce que vous avez d'autres pistes justement pour abonder un petit peu la médiation envers les publics en situation de handicap? On a fait des accueils de jeunes plutôt malentendants et aussi handicapés mentaux autour du jeu vidéo en fait. D'accord. De jeux avec une Xbox avec un système Kinect là, qui permet de jouer sans manette, quoi, de façon très instinctive. En les accompagnant les premières fois, et maintenant ils viennent en autonomie avec des groupes de 5-6 jeunes. Et puis, Là, c'est en partenariat avec une structure éducative ou associative. Ouais, c'est un centre spécialisé dans l'accueil des malentendants. Et c'était à leur initiative ou à la vôtre? Non, je crois que c'est eux qui nous ont sollicité quand ils ont vu qu'on avait développé une offre de console. Et après, ils nous ont sollicité aussi pour les accompagner dans la découverte de tout ça, parce que les éduques n'étaient pas forcément eux-mêmes des super pros de Kinect d'aventure. D'accord, ouais. Donc là, il y a vraiment un vrai partage de compétences. Ouais. Et maintenant, ils sont de nos, ça serait bien. Ouais. Ils ont un peu de mal. Les gamins n'entendent pas forcément les cris qui lancent, donc des fois ça cause un peu des petites perturbations. Ouais. Le reste de la médiathèque comprend bien que c'est un public un peu à part quand même. Ouais. Il y a quelques années, on a reçu, on recevait, je crois que c'était un CFE, centre éducatif fermé. Ouais. C'était des jeunes hommes, des jeunes femmes, qui étaient. Donc c'est un centre fermé, soit les les jeunes sont en attente d'un jugement, soit ils ont été placés là pour des causes de problématiques sociales dans leur famille. Donc, et du coup, donc les éducateurs avaient demandé s'ils pouvaient venir le vendredi après-midi avec un groupe, en principe, s'ils sortaient jamais de leur centre. Donc là, dans le cadre du groupe, elle les emmenait. C'était intéressant, c'était assez problématique, mais donc on recevait un groupe de jeunes qui n'ont pas l'habitude d'avoir des règles et des façons de faire, on va dire, qui rentrent dans la norme ou dans le dogme. Enfin, c'était des jeunes en difficulté, quoi, un peu marginalisés. C'était intéressant de. À ce moment-là, on avait un fond musical, dans le hip-hop qui était très. On avait plus de moyens qu'aujourd'hui, donc ça restait, on avait beaucoup d'actualité. Et ils trouvaient un peu ce qu'ils voulaient. Donc ça tournait sur plusieurs semaines. Les gens revenaient, les jeunes revenaient avec des problématiques sur les CD, les boîtiers qui étaient cassés ou machin. Bon, c'était. Ça allait, quoi. Et puis après, la personne est en charge de ce groupe qui est à l'initiative, en fait, et a changé de métier, enfin, changé d'endroit, et du coup, ça s'est terminé comme ça, quoi. Mais le souci, c'est pareil, on n'avait pas vraiment, c'était pas vraiment toujours les mêmes jeunes qui venaient, quoi. Ça dépendait d'où ils en étaient, de leur parcours, soit le tribunal, soit... Enfin, voilà, oui, bien sûr, ouais. Peut-être des fois qui est un peu compliqué dans nos positions, c'est qu'on fait un peu des sortes de happening où on ouvre, comme tu disais, sur la MAO, des trucs comme ça, on va essayer d'ouvrir des pistes, mais si on veut faire quelque chose de pérenne, ça va être plus compliqué parce qu'on va peut-être se heurter à la MJC qui va proposer un truc payant similaire, ou du coup c'est un peu compliqué parfois peut-être de monter des projets dans la durée avec toujours la même personne qu'on va essayer de. Ouais. Oui. Le problème avec les partenariats, c'est la pérennité, souvent, parce que comme disait le collègue tout à l'heure, c'est vrai qu'on s'investit personnellement, mais que la personne change, en fait, c'est là où ça. C'est souvent ça le gros problème quoi, avec les partenariats, les structures. C'est souvent des individualités, et comme tu dis, quand la personne change, quand, les projets souvent sont liés à une personne. Quoi. Y compris dans les médias. Oui, parce que c'est vrai que souvent en plus, enfin, ça c'est aussi quelque chose qui doit être sans doute à réinventer, mais la médiation, même si on en fait tous un petit peu, ça reste un petit peu un précaré de quelques personnes où chacun porte son projet. Enfin, moi c'est mon sentiment que c'est rarement une affaire collective en fait de la bibliothèque. Je ne sais pas quelle est votre position là-dessus. C'est ça qui est dommage, je trouve que ça devrait être porté par la structure elle-même, en fait, cet élan-là, enfin, cet élan, cette politique, et c'est rarement, en fait, le cas où on pense, c'est ce qu'on disait ce matin dans les échanges. Ouais, on est sur des initiatives individuelles qui, du coup, ne peuvent pas être pérennes, parce que les gens ne sont pas éternellement à leur place, quoi. Et à la fois, c'est compliqué, parce que, quelquefois, ça peut fonctionner aussi parce que c'est une initiative individuelle qui, du coup, sort, enfin... que les gens ne se disent pas forcément, c'est organisé par la bibliothèque, et du coup, ça, enfin, il y a quelque chose qu'on place aussi. Mais c'est une sorte de facilitateur, en fait, quand la direction est ouverte aux initiatives, du coup, ça se renouvelle peut-être plus facilement. Oui, mais des fois, les collègues eux-mêmes sont pas dans le même sens. Moi, j'ai l'exemple de jeunes qui sont venus, c'était un travail scolaire, ils sont venus pour faire un exposé sur les genres de films. Moi, je me dépatouillais à trouver des bouquins et machin. J'ai des collègues qui sont plus spécialisés que moi. J'arrive, je vais les voir. On était au service public, quoi. Ça sera plus simple sur Internet. D'accord. Non, mais attends, il ne faut pas que tu lui dises ça. C'est pas ça. Lève-toi et va lui trouver des bouquins, ou explique-lui, ou... On va avec elle sur Internet, j'ai fait quelque chose, quoi. J'ai dit où je fais. Alors, il nous reste assez peu de temps, il nous reste 10 minutes. Donc, qu'est-ce qu'on peut, pour synthétiser, inventer justement pour améliorer en fait, nos conditions de médiation sociale? On a vu donc, que qu'il était important de tisser des partenariats à la fois avec des acteurs de l'aide sociale et des acteurs du monde culturel. On peut insister aussi donc, sur l'importance de la pérennité de ces partenariats. Après, l'un des possibilités, c'est de faire, après c'est toujours un peu lourd administrativement, mais c'est de faire des conventions, vraiment, de partenariats, qui permettront de pérenniser un peu plus l'action mutualisée. Il peut être aussi important de mutualiser, alors je ne sais pas par quelle manière, par quel bout de temps, mais c'est pas évidemment des problématiques qui concernent uniquement les bibliothécaires musicaux, hein. De mutualiser les différentes pratiques qu'on peut avoir dans nos établissements respectifs. Voilà, après, que dire d'autre ? Continuer à faire de nos bibliothèques des maisons communes et ouvertes à tous. Un lieu de vie. Des lieux de vie, oui, ça, je crois que c'est important. Je crois que c'est. Les gens ont besoin de ça, ont besoin de lieux de vie où ils peuvent aussi se retrouver, avoir un échange humain, parce qu'aujourd'hui ils sont de plus en plus devant des écrans, devant des machines, et donc d'avoir quelqu'un qui s'intéresse à eux, et qui puisse répondre à leurs questions, je crois que c'est important, quoi. Et aujourd'hui, les lieux de vie, on les supprime les uns derrière les autres. Les associations ferment, il y a de moins en moins de moyens. Donc ceux qui subsistent vont être de plus en plus importants. Et les médiathèques font partie de ceux qui résistent, puisque c'est directement des émanations en institution. Donc forcément, les bibliothèques ne sont pas prêtes de fermer. Donc ça va être des lieux de vie qui vont être de plus en plus importants. Enfin, moi, je pense à... Après... Pour répondre aussi sur la pérennité, la pérennité, c'est toujours pareil. La pérennité des actions, il y a des actions qui peuvent être pérennes, mais il y a plein d'actions aussi qui sont des one shot, quoi. C'est une expérience, et il n'y a pas forcément toujours besoin de pérenniser les partenariats. Donc ça dépend aussi des types de partenariats, mais la pérennité n'est pas forcément toujours nécessaire, quoi. Donc bon, donc après ça dépend vraiment des projets, quoi. Et juste pour te compléter, des lieux de vie et puis des lieux de loisirs, parce que la médiathèque reste un des rares lieux où on peut ne rien faire et c'est important ça aussi, cette liberté que vous offrez à travers vos espaces. Alors c'est pas toujours facile évidemment, puisqu'on n'a pas tous les mêmes notions de ne rien faire, mais d'avoir des gens qui viennent pour juste feuilleter les journaux, qui partent, qui arrivent, qui partent sans dire au revoir, sans dire bonjour, mais qui ont ce lieu-là comme lieu de repère, c'est aussi extrêmement important. L'espace public a tendance à être mangé par le on doit faire, on doit soit consommer, soit acheter, soit passer d'un endroit à un autre, soit... Voilà, les médiathèques offrent aussi cette belle liberté-là. Et je vous souhaite de bien poursuivre vos projets pour que ça reste des lieux de loisirs. Vous continuez de rien faire. Oh, exactement, c'est très important. De rien faire. Je me demandais une chose par rapport au fait justement d'accueillir des publics qui sont adaptés aux règles. Souvent en médiathèque, il y a un règlement et puis c'est une espèce de sanctuaire où il faut faire. Pas faire trop de bruit. Est-ce qu'il y a un moment, on risque pas d'évacuer un public pour un autre ? Est-ce qu'il y a un public qui s'est complètement approprié la médiathèque, qui vient pour le silence, qui vient pour le calme, et en faisant un lieu de loisir, comment ces pratiques peuvent cohabiter exactement en fait ? Je dirais que le plus simple, c'est d'avoir des espaces un peu différenciés à partir du moment où les personnes s'approprient les codes de chaque espace. Sinon, c'est sûr que, enfin, nous on le voit en période d'examen, et en particulier pré-bac, on a un public du coup beaucoup plus jeune qui arrive, de lycéens qui sont surexcités les quelques jours ou semaines avant l'examen et qui font des chahuts, quoi. Après, voilà, c'est des choses qui arrivent, mais du coup... public entre guillemets habituel, d'étudiants, personnes un peu plus âgées, aussi pète un câble quoi, à l'approche du bac, parce que ça fait un mois qu'ils subissent un peu des brouhahas, voire carrément des gros chahuts. Et c'est sûr que ça les perturbe dans leurs habitudes. Et après, ça reste sur des temps de l'année assez limités. Donc, les choses rentrent dans l'ordre après. Et on tolère un certain degré de bruit pendant un certain temps. Quoi. Mais c'est sûr que c'est. C'est pas du tout facile cette cohabitation publique quoi. Mais c'est aussi à nous de faire du bruit dans nos lieux. Déjà si on pouvait diffuser de la musique des fois, ce serait pas mal. Oui, puis après je crois que chaque lieu a ses codes et c'est aussi, ça fait partie aussi des choses qui sont à transmettre, c'est que on vient dans une médiathèque, une bibliothèque, pas comme dans une cour de récréation. Donc même si ça peut être un lieu de loisir, c'est pas un lieu d'employage. Donc c'est donc voilà, donc après il suffit de transmettre les codes, il y a des codes à transmettre, et le public doit enfin il y a la notion de respect aussi qui est dans les valeurs qui sont à transmettre, et donc ça voilà, ça fait partie du respect aussi du lieu. Donc moi jusqu'à présent j'ai pas trop vu de problème comme ça dans les médiathèques, mais bon je suis pas au quotidien dans les médiathèques, donc mais c'est des codes à transmettre qui peuvent tout à fait être. C'est aussi là où ça peut être intéressant pour vous de faire appel à des structures socio-culturelles. Ça peut être des codes à transmettre qui peuvent être transmises non pas par vous, parce que vous avez déjà pas mal de boulot, mais par éventuellement les différents publics qui ont, parfois peuvent avoir du mal à se côtoyer. J'ai oublié dans quelle ville j'ai vu ça, mais une médiathèque a fait appel à une association qui travaillait avec des jeunes plutôt adolescents. En bac professionnel, voilà, et qui les a fait travailler avec des étudiants au sein d'une médiathèque. Et bon, encore une fois, hein, je pense qu'il y a aussi, il faut accepter ce qui parfois arrive de l'ordre du happening, ou bien de sur 10 participants, vous en avez un ou deux avec qui ça a vraiment marché et où les codes ont réellement été transmis. Mais voilà, on est dans l'ordre de l'inscription et du changement humain et qui prend du temps. Mais je pense qu'il y a aussi des possibilités en termes d'associer dès le départ, pour ne pas tourner à cette confrontation et à ce fameux conflit dont on a parlé, d'associer dès le départ les différents acteurs, peut-être se démarquer aussi de... Voilà, donc je suis bibliothécaire, je connais mon territoire, le lieu dans lequel je suis, mais je vais travailler avec les gens qui connaissent peut-être les différents publics avec lesquels on travaille ensemble, et pour que les liens se fassent presque de manière transversale. C'est sûr qu'il faut qu'on fasse évoluer. Ce matin, le mot de rebranding, il y a ça quoi, ça. On touche que 20% de la population française. Quoi. D'ailleurs, pourquoi on touche pas les 80% qui restent. Il avait été, je crois qu'il y avait une expérimentation qui il y a quelques années, justement, pour faire appel à des médiateurs du livre. Je crois que c'était Atelier Carmont qui avait fait ça, qui installait des mini-bibliothèques, hein, justement, dans les quartiers, etc. Et justement, ces médiateurs du livre étaient issus de couches sociales plutôt défavorisées, enfin, qui étaient plutôt proches, en fait, des populations desservies, en tout cas, dans leur, qui les connaissaient dans leur code et dans leur comportement. Est-ce que c'est quelque chose qui est pratiqué parfois en bibliothèque, de faire une espèce de positive action pour recruter justement des médiateurs ou des bibliothécaires qui ne viennent pas forcément des milieux classe moyenne, dont viennent quand même aussi la plupart du temps la majorité des professionnels des bibliothèques? On a vu, moi j'ai un exemple, la bibliothèque où je travaillais, située dans un quartier difficile. Quand je suis arrivé dans cette bibliothèque-là, il y avait un agent de sécurité, mais qui était beaucoup plus un médiateur qu'un agent de sécurité. C'est quelqu'un du quartier qui connaissait les jeunes, etc. Bon, il y a eu quelques mots, hein, parfois avec des jeunes, mais globalement, ça se passait bien. Alors, il n'était pas du tout professionnel du livre ou quoi que ce soit. Oui. Mais on parlait de formation ce matin. Est-ce que c'est pas un autre terrain auquel on n'a pas pensé, parce qu'on parle que des bibliothécaires dans les médiathèques, mais dans certaines médiathèques, peut-être pas tous. Il y a aussi des agents de sécurité, il y en a qui sont vraiment du pur agent de sécurité. Et est-ce que c'est ça peut pas être une évolution du métier aussi, d'avoir beaucoup plus des agents de médiation, voire qu'il y ait des bases en métier du livre, mais vraiment des bases du coup, mais qu'ils soient là pour que ça soit un lieu de vie où tout le monde puisse cohabiter justement. toutes les pratiques et dans le respect de tous. Quoi. Ouais, je crois qu'il y avait eu un peu cette politique-là il y a quelques années de recruter via, alors je sais plus ce que c'était, les emplois villes ou quelque chose comme ça, des personnes jeunes justement ou en reconversion, et justement de les former eux au métier du livre pour qu'ils puissent à la fois assurer des tâches bibliothéconomiques ou en tout cas d'accueil en bibliothèque et puis être au plus proche de la population desservie. Je ne sais pas si ça s'est pérennisé, si ça... Nous, on l'a perdu. Ouais. Nous aussi, on en avait plusieurs, ils sont partis quand les emplois jeunes. Et ça nous manque, quoi. Ouais, ça manque tellement. Ouais. Vraiment, on a vu la différence. Ouais. Et bon, comme les budgets, voilà, sont là, si on nous dit, bah non, on va prendre chez quelqu'un pour faire des nouvelles. Et comme quoi, c'est vraiment une question politique, je crois que c'était évoqué ce matin, c'est tout à fait sage. Un autre exemple d'une médiathèque qui avait été construite en collaboration, vraiment, c'était, je crois que c'était à Seine-Saint-Denis. L'idée, avant même la construction de la médiathèque, il y a eu un travail sur 3 ans avec les partenaires sociaux, les partenaires culturels, l'investissement de jeunes dans la définition des collections. Il y avait eu un travail de fait assez énorme sur 3-4 ans, je crois, donc vraiment du long terme, un investissement politique fort, mais pour le coup, donc tout le monde se disait « Ah, super !» Et qu'est-ce qui s'est passé? Il se trouve que le choix du terrain... C'était le terrain vague où tous les gamins qui également étaient partie prenante de l'expérimentation de participation collective, c'était là où les gamins jouaient au foot. Et quand ils ont commencé à construire la médiathèque, et en fait, les gamins ont fait un rejet total en disant « mais non, évidemment, il y avait eu discussion, il y avait eu débat ». Les éducateurs, les bibliothécaires qui travaillaient à ce moment-là sur tout le travail en amont avaient prévenu les politiques publiques en disant « écoutez, nous, on a identifié que sur ce territoire-là, si vous installez la médiathèque-là, il va y avoir un rejet ». Forcé de la population avec laquelle on travaille, donc ça sert à quoi? Et ça s'est quand même fait, et la médiathèque, voilà, ça se passe pas bien, c'est compliqué, et du coup, ça, le dispositif... ça donne... Est-ce que vous avez d'autres réactions, commentaires, questions? C'est juste, c'est un choix politique, c'est vrai, mais pas que, parce que c'est aussi un choix de direction. Parce qu'on peut très bien se dire, enfin je ne connais pas le cas précis à Villeurbanne, on peut très bien se dire, d'accord, ils sont partis avec un emploi jeune, mais la direction va très bien pu se dire, prochain départ en retraite, au lieu de rembaucher la même personne au même poste, on met un poste en moins et puis on est un médiateur. Oui, non, mais ce que je veux dire, c'est qu'on peut se dire aussi, les médiateurs, c'est pas. Parce qu'il y a peut-être aussi le risque d'avoir. Les médiateurs qui sont l'équipe médiateur et à côté l'équipe médiathèque et que ce soit deux milieux qui se confrontent. Oui, puis c'est important que ces personnes-là puissent aussi bénéficier d'une formation même bibliothécaire. Alors juste pour finir sur l'anecdote, moi je suis rentré à la médiathèque de Villachatillon où je suis toujours il y a 15 ans et en fait c'était je devais faire mon service civil. Enfin, je voulais faire mon service civil. Et je suis tombé à la médiathèque de Viry-Châtillon et j'y suis resté. Ça fait 15 ans. Donc c'était un lieu qui s'ouvrait, donc j'étais là pour faire le médiateur. Le jeune. Jamais il y avait des problèmes. Il y avait personne. Eh bien, merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Là, si ça vous intéresse sur les deux structures. Je peux parler au micro. Si vous êtes intéressé par une démonstration vidéo des Ivy Box, vous pouvez vous approcher de la scène. Je vais pas tenter. en plus. Ça, c'est une démonstration de. En fait, elle se conçoit comme ça. Je vois que le bas, ça tient sur deux palettes. En fait, c'est le nom de l'humanitaire, il y a deux palettes, il y a un poids, il y a des tailles, etc. Et les modules en fixe et dépôt, elles créent un espace. Voilà, un espace médiathèque en fait, complètement, avec donc, les différents modules dont je vous parlais. Là, c'est des livres, donc on a tout simplement des caisses. Vous pouvez soit mettre, quand vous rangez, vous mettez tous les livres dans des caisses, soit vous enlevez les livres, vous les mettez comme des étagères en fait. On a également du mobilier qui rentre dans la Xbox. Ça fait combien? C'est pas très lourd en fait. 50 Non, non, non. Si c'est tout rempli, ah oui, non, mais la palette, évidemment, il faut la faire descendre avec. Tu vas transporter ça dans un camion, quoi. Tu vas transporter ça à la main, mais après, 4 personnes peuvent tout à fait. 4 personnes peuvent décharger et installer. Ça s'installe quand vous êtes un peu entraîné, en 30 minutes, à 4 personnes, ça va bien, quoi. Et donc voilà, et donc après, c'est des activités qui ont lieu. En fonction de. Voilà, c'est des animateurs là pour le coup qui travaillent sur la définition des animations, des activités. Par exemple, maintenant au Burundi où c'est bien installé, vous avez voilà, lundi matin c'est une classe, le mardi après-midi ce sera une ONG qui vient faire sa réunion avec ses membres réfugiés. Enfin, voilà, ça tourne ensuite, ça devient vraiment un lieu de vie. Quoi. Et donc là on est sur l'évaluation d'impact au Burundi et on est sur ces trois thématiques où il y a réellement un renforcement de l'éducation parce que bah, y a du matériel à disposition. C'est la base, donc ça sert de base pour les instituteurs notamment. En termes d'information, d'avoir accès à Internet, qui est une connexion Internet satellitaire dans les camps de réfugiés, ça change tout quoi. Une dame qui est réfugiée politique du Congo qui disait j'ai pu apprendre, je sais plus, la mort de Nelson Mandela attend, alors que si j'avais pas eu cet outil-là, j'aurais pas pu. Et pour elle, c'était important dans son contexte de vie à elle. Et en termes psychosocial, donc ça c'est pour les camps de réfugiés, mais je pense que c'est des choses aussi à tester, enfin en tout cas à être attentif dessus en France, mais tout le travail de résilience qui doit avoir lieu quand vous êtes réfugié et que vous savez, vous n'avez pas retourné tout de suite dans votre pays, il se fait aussi beaucoup mieux quand il y a un espace d'échange où si vous parlez tel ou tel dialecte, bah, vous pouvez retrouver les uns les autres. Enfin, et c'est extrêmement important aussi la valorisation de, bah, ce que vous n'avez pas pu transporter avec vous, mais de ce que vous avez pu, comme voilà, le compte, la langue, les habitudes culturelles, etc. Quoi. Voilà, ça c'est des exemples. Et donc il y a plusieurs types de départ, c'était des animations très ciblées, très encadrées, parce qu'il fallait aussi le temps que chacun comprenne comment utiliser les outils numériques, qu'il fallait se laver les mains avant, enfin voilà, des choses très très encadrées. Et maintenant, au bout d'un an, c'est beaucoup plus libre. Et donc il y a simplement des créneaux, vous avez un animateur qui est chargé d'eux, et par exemple en lecture, maintenant il y a des gamins qui viennent et qui sont en lecture libre. Il y a aussi des lectures accompagnées, enfin plus l'appropriation est forte, plus de toute façon, le but c'est simplement de faire en sorte que ce soit. Il y a une maintenance et un entretien et une actualisation des contenus au fur et à mesure des demandes exprimées. Et à quel est il y a du prêt? Alors on va voir. Là il y a du prêt dans ces boîtes-là au Burundi. À Calais, on va un peu expérimenter. Donc, on commence en juillet et on va être sur un doublon avec Calais Plage, parce qu'ils organisent une médiathèque de plage. Pour juillet-août, où ils font du prêt à la journée, donc simplement vous êtes sur la plage, vous empruntez un bouquin, puis voilà. Donc on va essayer ça avec la dispositif dans un premier temps, puis je pense qu'on verra un petit peu, on évoluera. C'est aussi ça qui est intéressant, c'est comme c'est un dispositif assez flexible, les livres vous pouvez les enregistrer, il y a une, comment on appelle ça, une louchette, et vous pouvez les enregistrer, ils font partie de la Xbox, donc ils vont pas s'évaporer, ou en tout cas s'ils sont volés, c'est possible de s'en rendre compte, c'est un bon début. Mais je pense qu'on va commencer, sur une base assez. Voilà, assez simple départ d'espace, on verra au fur et à mesure. Je crois qu'il faut toujours que le temps de confiance puisse se tisser. Donc, mais on va en avoir une, nous, MS, pour. Mais oui, MS, oui, on est en train d'en discuter. Je sais pas tout ce qui va y avoir dedans, mais... tout ça est en discussion. Ouais. Mais effectivement, MS se positionne dessus. C'est des volontaires ou c'est les bibliothécaires qui... Alors ça dépend. Oui, allez-y, je vous en prie. Au Burundi, par exemple, il y a une équipe locale dont le chargé de boxe, c'est la personne responsable de l'ouverture, la fermeture, que ce soit bien rangé, etc. Parce que des personnes qui sont employées. Mais après, les animateurs sont bénévoles. Donc là, ils sont au sein des camps de réfugiés. Donc évidemment, ils sont bénévoles, j'allais dire que voilà. En France, ça va être... on est sur une mobilisation bénévole, mais également une mobilisation de bibliothécaires avec qui on travaille. Donc on va par exemple travailler avec la médiathèque François Fragon qui va ouvrir dans le 10e arrondissement de Paris, donc c'est tout nouveau. Et l'idée c'est que, en plus, alors je ne sais pas comment eux vont s'arranger exactement, mais ils aimeraient bien pouvoir libérer ponctuellement, parce qu'ils ont un travail quand même, des médiathécaires qui puissent venir hors les murs et faire le lien, donc présenter à la fois, la médiathèque va nous prêter des livres qu'on va enregistrer au sein de MyDisbox, qui seront ensuite remis à la médiathèque quand MyDisbox partira, parce que là c'est une expérimentation de 2 mois. Et les animateurs, on va essayer de mêler les éducateurs sociaux, parce qu'on travaille nous vraiment à destination des populations éloignées de la culture, les bibliothécaires, et puis un réseau de bénévoles que BSF a monté autour de la MyDisbox, mais également autour de différents programmes, et notamment les programmes numériques dont je vous parlais, qui sont en fait beaucoup des programmes d'éducation, de formation et d'autonomisation voilà, des personnes. Et vous êtes Bibliothèque sans frontières, c'est aussi une association? C'est une association, oui. Et vous avez des financements très très variés, mais en fait beaucoup de financements privés aussi. On a été c'est la fondation Pierre Bellon par exemple qui nous a financé les premiers pour la Xbox, et puis on a établi très vite un partenariat avec le HCR, le Haut Commissariat aux réfugiés. Donc voilà, c'est des partenariats de ce type-là pour ces situations-là. En France, on travaille avec les collectivités, c'est les collectivités qui achètent à Calais, c'est la municipalité qui a décidé d'inscrire la Xbox dans ses politiques publiques d'éducation. Donc là, c'est ce qu'on vise plutôt, parce que ça nous semble quand même plus pertinent, dans le sens où c'est au public territorial de s'occuper de leur territoire. Donc les médiathèques en font bien sûr partie, et pour nous, c'est essentiel justement de ramener aussi les politiques publiques sur les médiathèques quand il y a... Voilà, parfois les relations ne sont pas toujours... Mais je sais qu'on est en discussion pour une présentation au Salon du Livre de Villeurbanne. Le Salon du Livre Jeunesse. Le Salon du Livre Jeunesse, oui. Discuter éventuellement, venir en présenter une. Cette année, c'est bientôt. Oui, c'est ça, oui. Ah, mais cette année pour cette année, cette année. Oui, oui, on est dans la rapidité. Très bien. Merci. Merci beaucoup. Ou est-ce que c'est des choses qui peuvent être mises en place dans des, j'imagine, dans des villages, des coins complètement paumés, qui n'ont pas de bibliothèque? Nous, ce qu'on vous disait, c'est ça, c'est qu'on est vraiment dans l'expérimentation, donc pour l'instant, on prend un peu tout, dans le sens où ce qui nous intéresse, c'est de tester la chose, l'outil avec différents partenaires et différents publics. Donc pour vous donner un exemple, on travaille avec la Fondation Cultura, qui nous finance une Xbox et qui finance une partie de son contenu. Et on travaille sur des expérimentations assez courtes, de 2 mois à 3 mois. Et la première, par exemple, va avoir lieu à Paris en collaboration avec la médiathèque Françoise Sagan. Et là, l'idée, c'est d'être beaucoup hors les murs, parce qu'on est à Paris, etc. Et là, on va travailler avec ce type de public-là. Là, à l'été, avec la même Xbox et un contenu légèrement changeant, on va travailler avec un centre social dans l'Essonne à destination des adolescents. On va à nouveau faire une autre expérimentation. Et fin d'année, on va travailler avec la Croix-Rouge pour des centres de la Croix-Rouge. Donc là, on sera vraiment dans des publics en très grande difficulté. Et l'idée, c'est que cette Xbox un peu expérimentale pour cette année nous permette d'en tirer quelques recommandations au point de vue de, bon, hors les murs, est-ce que ça marche dans une grande ville comme Paris? Pourquoi ça marche? Qui vient? Etc. etc. Donc on va tester des choses. Donc il y a certainement des échecs et puis des choses qui vont fonctionner. Mais l'idée, c'est de tester au fur et à mesure. Et pareil pour la ville de Calais. La ville de Calais, par exemple, nous en fait la demande dans une démarche et un objectif très social. Oui. Alors que la ville de Metz, par exemple, qui se positionne... pour l'instant, c'est pas acté, mais qui se positionne pour acheter une Xbox, elle se positionne sur beaucoup plus comme un équipement culturel pour animer sa programmation culturelle. En fait, c'est à ça parce que je rapproche ça un petit peu. On a un bibliobus à long terme, alors qui dessert ce qu'il peut, mais c'est pas suffisant. Ouais. Et il y a des médiathèques hors les murs l'été où on prend une camionnette. C'est surtout les services jeunesse qui prend une camionnette, 2-3 caisses de bouquins. Un tapis, on s'étale dans un coin sur du gazon dans une cité, des choses comme ça. Ouais. Et on est sur des. Enfin, c'est moindre, hein, mais on est sur quelque chose d'assez similaire finalement. On arrive avec des caisses, on les étale et on espère que les gens. Ce qui est intéressant, c'est que l'équipement, il peut être un équipement qui peut être enregistré au même titre que la médiathèque comme appartenant Et surtout, c'est un équipement que nous, on comprend comme un véritable dispositif, parce que ça crée un espace qui est tout à fait identifiable et qui reste identifiable si vous le répétez n'importe où. Et puis c'est un dispositif, c'est ce que la question que me posait une des personnes participantes, c'est on anime une communauté de bénévoles et d'animateurs et d'éducateurs et bibliothécaires qui sont là pour faire en sorte que le lieu, quel que soit le lieu, soit un lieu qui soit vivant et un lieu d'échange. Et pour que, avant même qu'on décide de poser la Xbox à tel ou tel endroit, il y ait auparavant toute une logique de partenariat et de réflexion et de se dire, bon, pour qui on veut viser, avec qui on veut travailler et pourquoi on veut travailler avec ces personnes-là. Ouais. Parce que, comme le disait très justement un jour un éducateur avec qui on commence à travailler, il me dit, mais vous savez, déjà, il faut les convaincre que la culture, c'est important pour eux. Ils s'adressaient, ils pensaient au SDF parce que c'était le cœur de son métier. Mais déjà, il faut les convaincre que c'est important pour eux. Ça ne veut pas dire qu'ils sont tout à fait ignorants. Là, c'est loin non, de là. C'est vrai que c'est loin de leur préoccupation. Mais pourquoi faire? Et puis, vous voulez les mettre dehors, mais eux, tout ce qu'ils veulent, c'est rentrer dedans. Et c'était intéressant de se dire, ah, et on est parfois si loin de la prise en compte des demandes et des besoins que rien que ça, au niveau de ce que nous, on peut apprendre de ces publics-là, de ce dont ils ont besoin, et que du coup, on peut répercuter sur des médiathèques, c'est très très important d'avoir aussi des gens qui soient... On parlait là d'agents de médiation ou de médiateurs, mais c'est plus que des agents de médiation qu'il faut. Moi, je pense qu'il y a vraiment des passerelles. La médiathèque ne peut pas faire office de structure, établissement, centre de ressources et des passerelles en même temps. Enfin, c'est quand même... En réfléchissant juste comme ça le temps de vos interventions, il y a un débouché probable pour les médiathèques, même dans une ville comme dans celle dans laquelle je travaille, qui a beaucoup de structures et tout, mais n'empêche que malgré le bibliobus et malgré les trois médiathèques de quartier, une médiathèque musicale sortie qui n'est pas intégrée à la médiathèque centrale, qui est encore ailleurs, il y a encore des tas de quartiers qui ne sont pas touchés et qui sont souvent des quartiers, en plus c'est des villes périphériques, à la périphérie de Paris, donc qui se développent assez vite, parce qu'on n'est pas loin de Paris, donc on peut bosser à Paris et prendre un coup de RER et être en trois stations où on est rentré chez soi. Mais n'empêche qu'arriver sur place, ça devient des cités dortoirs, en fait, tout doucement, si on ne met pas des choses comme ça en place. Et des micro-structures, enfin des tout petites, des structures faciles en tout cas à mobiliser comme ça, qui ne demandent pas de construction, parce qu'on devrait avoir une nouvelle médiathèque depuis belle durée dans cette ville, sauf que les choix n'ont pas été faits et qu'aujourd'hui que c'est des réductions budgétaires, il n'y en a absolument plus question. Bah, ça peut être en tout cas quelque chose de temporaire, en tout cas en attendant que les sous reviennent. Et puis l'appropriation, c'est quand même la grande question de la légitimité de ces grands musées quasiment. C'est aussi la question de la légitimité, là, c'est ce qu'on expliquait au Burundi. Rien que le fait, bon, certainement c'est des publics différents, mais rien que le fait d'avoir la première fois que vous arrivez, vous travaillez, bon, c'est les animateurs qui démontent et qui remontent à la Xbox, mais déjà au bout de la deuxième séance, les participants qui sont un peu plus à l'aise, vas-y, démonte. Participe, installe, mets les livres comme tu veux. Et le fait d'être dans cette appropriation-là, c'est aussi une manière de... Voilà, c'est un bien commun qui vous appartient, et ce bien commun-là, si vous ne le respectez pas, de toute façon, il ne va pas servir. Oui, c'est ça. Il ne va pas vous servir à vous en premier. Et ça, c'est vrai que c'est plus difficile avec une médiathèque classique qui, évidemment, est extrêmement codifiée, mais c'est son... Enfin, en tout cas, c'est son histoire. Bah, bien sûr. Que ce soit son avenir. Non, mais c'est son histoire, et elle ne peut pas s'en débarrasser. Ouais. C'est normal, d'ailleurs. Et puis c'est important aussi qu'il y ait... Pour d'autres populations, ces codes-là sont tout à fait utiles. Oui, parce que c'est... Ouais, c'est exactement. Ouais, c'est même structurant pour certains tout publics. À fait. Mais c'est vrai, ce qu'on évoquait tout à la fin, c'est qu'on touche 20% du public. Mmh. Et donc, on ne touche pas 80% du public. Donc, quand le collègue a dit, bah oui, mais si on perd cela, si on perd ceux qui veulent du silence et qu'on gagne les 80% qui veulent du bruit, moi, je veux bien faire l'échange. Mmh. Nous, on a de la musique, on met de la musique à la médiathèque, on découvre, et puis on écoute n'importe quoi. Musique contemporaine. Alors, parfois, on a des gens qui viennent se plaindre. Hein. On met pas que des choses douces. On met un peu ce qu'on a envie d'écouter sans aller trop loin, mais de temps en temps, on tente un peu un truc un peu compliqué, un peu strident. Par exemple, la dernière fois, c'est un peu tombé par hasard, mais on a mis un vieil album de Public Enemy. Voilà. Et le maire est arrivé. Donc, c'était pas qu'il de police le morceau, mais c'était pas loin. Quoi. Bon, je pense qu'il a pas compris, mais enfin, c'était drôle. Et puis on se dit, bah oui, mais tant pis, parce que c'est aussi un peu le but de même si on est des institutions, on est des institutions qui font gigoter les institutions, quoi. On n'est pas des administratifs, on a le droit de faire du bruit, on a le droit d'être... Non, puis bon, il faut bien avouer le constat, comme vous disiez, quoi. Moi, je suis revenue en France, 17% seulement d'inscrits aux médiathèques, je suis vous êtes sûr, on s'est trompé sur les chiffres, non ? Alors qu'il y en a énormément qui sont gratuites. Moi, je me suis inscrite récemment à Saint-Ouen. C'est une question de méconnaissance aussi. D'image qu'on a sans doute. Il ne faut pas qu'on disparaisse, mais personne ne vient en fait. C'est souvent ce qui retourne dans les publics. Quand il a été ajouté tout à l'heure qu'il n'est pas sur question qu'on ferme, les gens se sont mobilisés en fait. Mais voilà, une fois qu'ils ont su qu'on fermait plus, bon, ça allait. On est structurant, voilà. C'est pas. Mais il y a, oui, il faut développer. Moi, j'ai toujours regretté qu'en France, ce soit communal et pas national. Mm. Quand j'ai découvert le travail qui se faisait en Belgique, ouais. Où, ah, ça, voilà, quand j'ai appris que comment quoi, c'est en Europe du Nord ou en Hollande, je ne sais plus, où il y a des spots cinéma pour la bibliothèque. Ouais. Pendant les films, enfin, voilà, il y a des campagnes de publicité, des campagnes d'affichage dans la ville. Mmh. Ça, on en a voilà, mais ça, à pas de. Voilà. Ouais. Moi, j'ai juste découvert ça quand j'ai commencé il y a très longtemps, où je me suis mis. C'était un peu plus le catalogage, ça l'est toujours un peu aujourd'hui, et que j'ai appris que comment ça fonctionnait. On m'a dit, ah, bah, on veut récupérer les notices à droite à gauche, ce qui ne marche pas en fait. Et quand j'ai compris qu'en fait, il y avait 25 000 bibliothécaires qui cataloguaient 25 000 fois le même CD, je me suis dit, bon, bah, là, il y a quelque chose qui ne va pas, là, ça ne fonctionne pas bien. Là. Sauf que. C'est difficile de faire bouger les. Oui, oui. Bah, on avait essayé de mettre en place, on avait voulu mettre en place une petite assos pour. Voilà. Ouais, parce qu'on est, voilà, on est quand même aussi beaucoup sur un métier de, avec certains collègues, de petits territoires privilégiés. Quoi, et voilà, puis héritier de l'histoire. Quoi, ouais, quoi, c'est ça. Ouais. Moi, je travaille à la médiathèque de Calais, ça ressemble à un truc de l'époque de l'ex-URSS. Et en fait, la directrice qui vient d'arriver m'expliquait qu'elle a réalisé qu'il y avait des gens qui avaient été recrutés il y a peu de temps sur base de leurs compétences, leur diplôme, mais qu'en fait, la majorité, c'était. Des gens qui avaient été mis là par les anciennes municipalités communistes au moment des fermetures des usines et du fait de se retrouver avec, au niveau des populations, un nombre incroyable de gens au chômage. Et bon, on les casse, quoi, dans ce cas-là, en municipal. Et bon, encore une fois, hein, on peut pas porter blâme aux personnes individuellement, mais du coup, ça pose vraiment des problèmes de fonctionnement, des personnes qui ne sont pas capables d'allumer un ordinateur. Il y a un vrai problème générationnel, là. C'est un peu horrible à dire, mais il faut une génération ou deux pour que tout le monde sache ce que c'est que le numérique et l'importance de partager. Parce qu'effectivement, il y a des collègues que j'évoquais tout à l'heure qui ne veulent pas. On a changé de logiciel, elle ne veut pas se mettre de logiciel. Or, c'est impossible. Même elle ne peut pas juste faire du rangement. Ou alors, elle fait que du rangement, mais comme elle est assistante, elle ne peut pas. Donc voilà, on est sur des problématiques. Et il ne s'agit pas de la tabasser encore. Ah bah non, évidemment pas. Ça ne marche pas, il faut trouver un biais. Mais sauf que tant qu'on perd du temps à trouver des biais pour convaincre les collègues du bien fondé de la nécessité de l'évolution du métier, le métier il évolue pas en fait. Ouais. Tu sais, à un moment il va falloir que tu comprennes qu'il faut qu'on bouge, mais on devrait déjà être en chemin. Quoi. On devrait déjà bouger, au bout du moment je te parle. en tout cas, je sais, tout à l'heure j'ai récupéré pas mal de billes pour, super. Pour avancer un peu. Je sais pas si on avance. Bon, en tout cas on va pouvoir réfléchir parce que à force d'être un peu en dedans en disant où est-ce qu'on va, comment on fait, on commence à être un peu à bout d'idées, un peu fatigué par les budgets qui diminuent, les publics qui sont bons, la mairie qui ne suit pas, on commence à se dire bon, j'aime beaucoup mon travail, mais pourquoi je suis là quoi. On verra ça, alors c'est en tout cas merci. Je repasserai sans doute à la deuxième étape. C'est la deuxième option où tu rentres chez toi. Là je rentre parce que je vais profiter d'être à Metz, je vais faire des choses à Metz. Ah oui. Mais à demain, ouais, sans faute. Ok. Bonne soirée. Bonne soirée. On n'a pas fait une. Qu'est-ce qui se passe maintenant avec une. Là, j'ai assis. Et le. publier ce que je peux publier, mais ça ne sert pas grand chose en fait. J'éteins le système qui a le micro.